Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle. Oui, oui. Oh là là. Okay. Bonjour, bonsoir et bienvenue. Non, on l'en fait. Ok. Oui. Oui. Imagine un jour on dit non. Genre il pèterait un câble. Evil Dead, le ou en espagnol. Si. Là on aurait tout un autre marché. Akats il nous dirait c'est super. Mettez Akats plus. Akats plus j'ai dit. Akats plus. Akats plus. Alors oui, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Comme à l'accoutumée, je suis accompagné d'Adrien Miel, Scatman. Je suis Scatman. Tu me regardes avec des grands yeux. Oui, bien sûr. Comment ça va, Adrien? Ça va très bien, je suis de très bonne humeur. Ça fait plaisir. C'est ok, c'est cool. C'est bat. Voilà, ça va. C'est fun. J'ai un peu mal au ventre, mais franchement, mon humeur surpasse tout ça, quoi. Un petit mal de ventre de chiasse ou un petit mal de ventre de constipation? C'est la question que je te pose. Je comptais pas rentrer dans ces détails-là, mais puisque tu me demandes, on est dans une chiasse. Allez. Je suis content d'être venu. Smecta. Oh, on est à l'Imodium, là. Hein. L'Imodium duo. Duo, c'est quoi? C'est comme les massages en duo. C'est que tu prends avec ton avec ton mec. C'est une smart box. Avec ton mec, quand je vais dire le nom. Je rigole. Vous ne saurez jamais. Ou peut-être un jour. Oh, qui sait. Voilà, on va en dire 10. Il y aura le vrai dedans, mais. On dit des prénoms. Jamie il s'appelle Nicolas. Zidane. Le Sherpa d'Inox Tag. Inox Tag. Inox Tag lui-même. Lui-même. L'Everest. Notre première invitée est humoriste, autrice, podcasteuse. Elle joue régulièrement à Paname, mais surtout au Random, plateau qu'elle co-présente depuis peu au Jamel Comedy Club tous les mercredis. Oui, c'est ça. Elle anime également les podcasts Touristes qui parlent de voyage et Tchatcheuse qui parle d'elle, mais quelque part, est-ce que c'est pas un peu un voyage, la vie de la Marie? Oh. Je suis Cabrel. Elle a posé ses valises chez France Inter dans Zoom Zoom Zen pour une chronique. Elle a posé ses valises. Oui. T'es un enfoiré, rassure-moi. Elle parle de voyage en touriste, alors elle pose des valises. Non, mais attends. T'es une très très belle enflure, mais c'est amical. Mais c'est mérité. C'est mérité, parce que c'est gentil. À roulette. Et depuis, c'est la vie d'Aloca, car elle mange carrément des tatakis de bœuf sur C'est à vous. Oh, quelle indignité sur le service public en plus. C'est Marie Debreu. Bah oui, t'as mangé des tatakis de bœuf. Elle a fait C'est à vous ouais, hier. Ouais, j'ai fait C'est à vous hier. J'ai parlé 18 secondes. J'adore la télé. C'est grossophobe. Oui, tout simplement. Voilà. J'ai senti que c'était surtout comment Xavier Noël. Non, comment il s'appelle? Mathieu Noël. Mathieu Noël, en fait, qui était invité. Xavier Niel. Voilà. Et vous étiez un petit peu, c'est mignon à la manière. Et moi, chez méchant. C'était lui l'invité. Il y avait des chroniqueurs et chroniqueuses. Ouais, il y avait moi et Merwan Ben Lazar. D'accord. Et par contre, du coup, c'est l'émission où ça bouffe. Bah oui, c'est à vous. Et j'ai pas arrêté de dire que je voulais, genre, manger super vite le plat dès que j'arrive et commencer à piquer dans les assiettes des autres. Et j'ai pas eu. T'as pas eu l'occasion. Courage. Ouais, Notre deuxième invité est auteur, producteur et metteur en scène. Il était le directeur d'écriture et un peu le Nick Fury du studio Bagel, puisque c'est lui qui les a assemble, j'ai envie de vous dire. J'ai même pas la ref. T'as pas vu Avengers? Bah, c'est Samuel L. Jackson. Ouais. Ouais, je vois très bien. Ce que je veux dire, c'est que t'as fait une blackface. Je voulais le dire à tout le monde. On a aussi fait Groom ensemble. Il a mis en scène le spectacle de Jérôme Niel. Et depuis, ça s'arrête plus, car il met aussi en scène le spectacle de Gigi Pop Full Contact tous les jeudis soirs. Tous les jeudis soirs. À la petite Palais des Glaces. Petit Palais des Glaces, 21h30. Voilà. Et le spectacle d'Eliott Doyle qui jouera son show en novembre. C'est ça que j'ai noté. C'est ça, exactement. Date l'Européen, date exceptionnelle. T'aimes bien les artistes un peu. Un peu foufou. La queue de cheval. Oui, si je vois ce qu'il veut dire. Il s'appelle Axel Malivernet, mais pour nous, il restera toujours l'homme qui a choisi comme pseudo Twitter Triple Axel. Triple Axel. Allez, on l'applaudit. Au début de ta phrase, je savais que ça. Mais ça m'a marqué à vie, Barry, tu le connais pas, mais ce mec il s'est appelé Triple Axel sur Twitter. Mais c'est très bien. Ah, c'est vachement bien. On aimait les pseudos. T'avais un pseudo toi à une époque sur internet? Non, parce qu'en fait j'avais des grands frères qui ont 13 et 10 ans plus que moi. Quel était ton pseudo? Et qui m'ont dit Marie, crois-nous, sur parole. Mais Marie Debreuer surtout, sur ton mail, sur machin, etc. Ce que j'ai dit à Florent à une certaine époque, je lui ai dit abandonne Flaubert, parce que tu vas t'en mordre les doigts. Et alors tu t'en mords les doigts? Non, ça va, mais je l'ai abandonné. Mais ça a été un travail. Encore des gens qui t'appellent Flaubert. Mais maintenant, c'est les. En fait, j'aime bien parce que les gens qui m'appellent Flaubert, c'est vraiment des vieux de la vieille. Quand c'est Flaubert, c'est que ça a connu Golden Moustache. Ok, ok. Voilà. Mais est-ce que il y a des gens qui te font des interviews un peu et qui font ce rapport Gustave. Et là tu fais bah oui, non, pas du tout. C'est juste Flo et Bert. C'est ça. Mais c'est ça qui était. Dis-toi, c'était tellement ancré que donc je t'appelais Flaubert quand je parlais de toi auprès de ma meuf par exemple, et quand j'ai commencé à dire OK, je bascule, ça va être maintenant ça va être je vais l'appeler Flo. Elle fait ah ouais, donc Flo quoi maintenant. Bon, c'est quand même franchement plus enfin plus cohérent que qu'un pseudo, un diminutif quoi. Mais après, pour elle te défaut, maltraite. Ouais. Déjà. Elle te maltraite. Et guide n'est pas. Et Adrien, c'était Aka. À la base, c'était Alex Kidd, mon pseudo. Ouais, je savais pas. Alex Kidd, qui était un personnage de Sega Master System. C'était le jeu qui était dans la console. Genre, tu mettais pas de cartouche dans la console et ça lançait, tu allumais la console. Oh, Alex Kidd. Et ça, c'est Adri, quoi. Dès que t'es chez quelqu'un, hop, il y a Adri qui est là. Et je suis là. Il est directement ici. Eh oui. Adri qui est là, c'était mon. Et Alinéa, c'est des cuisines. Oui, c'est vrai. C'est le petit bonhomme qui fait. Non, bah rien à voir. Elle parle des cuisines, toi, tu parles du dessin animé. Bah oui, on parlait de deux choses différentes. J'ai dit, c'est vrai que j'ai dit c'est aussi. Ah, t'as aussi, j'avais pas entendu aussi. Il va tellement vite, on dirait qu'il y a une James ou quoi. Mais non, parce que Nick Fury, c'est dans les Avengers en fait. Il fait une blackface maintenant, Axel. C'est horrible, c'est une honte. C'est pour ça qu'on filme pas le podcast. Il y a toujours un invité qui fait une blackface, c'est quand même très relou. Alors on commence. Tu voulais dire un truc, Adrien? Non, rien. Oula, non, c'est juste que. Non, rien. C'était trop tard. J'ai interrompu pour pas parler. C'est un nouveau truc que je mets en place. C'est interrompre les gens, mais pour rien dire après. Ah bah venez, on fait ça tout le long. C'est du Adrien Interrupting, ça s'appelle. J'ai déposé le truc. C'est le titre. Ça y est, très bien. C'est mon prochain essai. Féministe. Voilà. Alors on commence tout de suite dans la finesse et l'élégance. Un sondage nous a appris les insultes que les Français utilisaient le plus. Je vous demande un petit top 5. Connard. Non, il y a pas connard, dis-toi. Pute. Ah si, c'est le numéro 1 tout simplement. Pardon. Non mais. Et connard et connard. Kenny Arcana, très bonne chanson. Il y a Raphaël Connard. Ouais, oh c'est vrai. Oh, j'adore. Salaud. Il y a Barthès qui a fait une quenelle. Pourquoi Yann Barthès? Pourquoi Yann Barthès? Il avait fait une quenelle. Il a fait une quenelle. Ouais, ils ont tous fait une quenelle. Oui. Arrêtez. Et moi je mange des quenelles. Bon, Adrien et moi, voilà, on le dit un jour. On a inventé. Il doit y avoir un paquet d'insultes sexistes. J'allais dire pute. Alors oui, non, il n'y a pas pute. Écoute, non, il y a fils de pute. Ouais, non plus. Hop, hop, hop, hop. Non, il y en a. Ok, les woke sont passés par là. On peut même plus insulter comme on veut. Con. Il n'y a pas con. Il y a des trucs autour de la bêtise. Salaud. Il n'y a pas salaud. Débile. Enfoiré. Enfoiré. Enculé. Alors il y a enculé. Ouais, ah, il n'y a pas sexiste, mais les woke sont pas. Oui. Est-ce qu'il y a salope? Il n'y a pas salope. Et non, il n'y a plus rien de sexiste. Okay. En fait, c'est un peu sexiste parce qu'il n'y a pas vraiment d'insulte contre les femmes. Est-ce que sac à merde est présent, s'il te plaît? Sac à merde n'y est pas, malheureusement. Attends, merde? Merde, non, il n'y a pas. Enfoiré, il n'y a pas. Non, il n'y a pas enfoiré. Putain, c'est. Tu sais qu'enfoiré, pour moi, c'est toi. Hein, enfin, pas. Non, là, c'est moi. L'utilisation du mot enfoiré, pour moi, c'est Adrien. Dès que j'entends le mot enfoiré, dès que je lis enfoiré, j'ai la voix d'Adrien. Ah ouais? Oh, t'es un enfoiré, toi. Du coup, si tu lis un livre, genre, il y a des pages et des pages et des pages, et là, tu lis, et là, il y a le mot enfoiré, tac. Oh, il y a Adrien. Bah, quand je regarde les enfoirés à la télé, je vois juste Adrien sur scène. Je pense que t'es sous emprise, par contre. C'est possible. Fais 10 ans, ça fait 10 ans. Parce que entre Coluche et le rap français des années 2000, le mot enfoiré a été utilisé. Mais est-ce que t'es pas la rencontre, excuse-moi, hein, entre Coluche et le rap des années 2000, Adrien? J'ose le en vrai, l'espérer. Un peu. Non, bon, mais non. Ah, je fais le grand écart. Il le fait là maintenant, c'est où? Oh non, c'est Lenny Kravitz. Il va se claquer un truc. Vous vous souvenez de Lenny Kravitz quand même? La bite? Ah, bah bien sûr. Vous avez pas vu ça? Il avait un pantalon en cuir très serré, c'est Lenny Kravitz. Ah. Et il s'était un peu accroupi en faisant de la guitare et le pantalon s'est déchiré et. On a vu. Oh. Blou blou blou blou. Et il y a vraiment une tub qui est sortie sublime. Enfin, la sienne. Hein. Ah oui, la sienne. Ouais, ouais, ouais. Une tub. Une qui était indépendante. C'est ça. Mais elle est vraiment sortie. Oh, j'étais enfermé là par erreur. Elle est vraiment sortie un peu comme ça. Elle est sortie un peu comme un Transformers qui se déplie. Boum boum boum boum boum. Un peu comme les toboggans quand les avions ils amérissent. Exactement. Et vous auriez dit à vue d'œil combien de centimètres? Moi je me rappelle plus. 1m15. En tout cas, je me suis dit bonne bite. Belle bite, ouais. Ouais, je me suis dit bonne bite. Bah bien, je vais bonne ça bite part. De Lenny. Ça part, et voilà. Tant mieux pour lui. Alors écoutez, je vous en donne un, le numéro 2, abruti. Ah oui, voilà. D'accord, il y a des vieux. Il y a des vieux, il y a des débiles. Couillon. Il y a pas couillon. Attends, ahuri. En fait, Gozo. Non, il y en a 6 parce qu'au 5, il y a un ex aequo. Voilà. Ah, c'est précis. Ok. Donc attends, attends. Chieur. Y a pas chieur que j'adore. Le premier c'est connard ou connasse. Ouais. Enculé est troisième. Je vous demande encore 1, 2, 3, 4. Donc attends, 4. Le deuxième tu l'as dit, c'est abruti. Abruti. Petite bite. Non. Tocard, enflure. Y a pas tocard. Y a tocard, cinquième. Ah. Ah, tocard. Je fais partie. Bouffon. Tocard, tu utilises toi? Je dis beaucoup tocard. Y a bouffon, quatrième. Ah. Y en manque plus qu'un. Et c'est l'ex-aequo. C'est l'ex-aequo avec Tocard. Il finit pareil. Ah, oh là là. Et là, je pars dans un rap. C'est toujours bien quand tu annonces que tu pars dans un rap. C'est souvent les meilleurs freestyles. Je filoche dans un rap. Ouais. Comme le font souvent les rappeurs. À chaque fois, je pars dans un rap. Oui, bah, on se doute. Hein. Écoute-moi bien, Fred de Sky. Je pars dans un rap. La première fois que tu l'as écouté, c'était sur le Floodcast. Let's go. En art bâtard. Oh là là. On serre la palle vers la main. Chips c'est... ou quoi. Vous l'avez dit en même temps. C'est un truc que je dis comme ça. Oh non mais... Dites mon nom. Est-ce que vous considérez comme des gens grossiers? J'ai peur. Attends, il y a tout un débat. Est vulgaire ou grossier déjà? Moi je crois que je m'en bats les couilles. Si ça répond. Ça répond à la question. Non mais grossier oui. Bah oui. Si grossier ça veut dire des gros mots, oui. Ouais, moi j'adore ça. Axel, pas trop, pas très grossier. Bah, pas vulgaire en tout cas, j'espère. Ouais. Et grossier, j'essaie d'en dire. Dans tes fringues, t'es vulgaire, je te l'ai déjà dit quand tu sors le soir. Non, j'essaye. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment vulgaire? C'est quoi la définition? Pour moi, vulgaire, c'était grossier. Je vais demander un dictionnaire si ça te dérange. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Je comprends. Sachez que c'est rigolo qu'on parle de ça. Car le 30 octobre, je sors un livre dans lequel j'ai écrit une partie, parce que c'est un ouvrage collectif qui s'appelle Vulgaire qui décide. D'accord. Et c'est un essai féministe avec plein de meufs. Du témoignage. Il y a Taous Merachi aussi qui est dans les autrices et tout. Et donc, si vous voulez en apprendre plus sur la vulgarité. Bah oui, bien sûr. En fait, c'est un sujet que je maîtrise. Hein. Vous le voyez pas, mais elle a plissé des yeux. Voilà, je plisse. Adri. Qui est dans ses recherches. Il est là. Sur la def là. C'est fou qu'il soit sur un dictionnaire. Le fou de ChatGPT qu'il est. Je pensais qu'il allait faire une petite demande ChatGPT. Non, je pourrais demander à Claude maintenant, qui est une nouvelle IA. C'est quoi? Attends, Claude MC. Tu m'as fait basculer sur Perplexity. Tu me fais basculer sur Claude maintenant ou pas? Non. Okay. Je veux pas te. Trop sympa. Non, mais en plus, Perplexity inclut Claude et ChatGPT. Donc, pas la peine de me demander ce genre de truc. Moi, je touche plus là, ça y est. Alors vulgaire ça veut dire... Excusez-moi, j'ai l'impression d'être allé dans Cool Land. On est sur Micode là. Alors un qui concerne le peuple, qui dame le personnage quelconque. Donc c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ça je suis pas ça. Ouais. Qui est commun, qui est reçu communément. Oui bah ça c'est oui. Voilà. Ça c'est vulgaire. Et ensuite ce que le peuple parle à l'époque considérée. Bon allez. C'est pas des Et sinon hein. Qui est trivial, commun, voire quelconque, ou alors qui a un comportement, un langage sans délicatesse, ouais. Sans éducation, là on y est là. Ah ouais. Grossier, ou qui fait preuve d'une. Non, bah comment ça? Pardon, c'est quoi ce dico là? Ils disent qui a un comportement, un langage sans délicatesse, sans éducation, grossier, dico, hein. Ou qui fait preuve d'une grande grossièreté. Oui, bah grossier, on l'avait déjà. Pourquoi mettre ce en fait, c'est le pareil, sketch de Muriel Robin, je rappelle. Hein. C'est le sketch de Muriel Robin sur le dictionnaire. L'addition. Ouais. Non. Donc en gros, on est d'accord qu'ils mettent grossièreté en gros. Bah eux, pour eux, c'est pareil. Chose. Bon, c'est pareil. Ouais. Tu nous as demandé. Vous êtes content ou heureux? Mais du coup, il n'y a pas besoin d'acheter le bouquin de Marie là. Là, c'est carré là. Ça me fait penser à la chanson de Bruel où il dit vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Et tu cherches dans le dico remords, c'est regrets. C'est là. Ah ouais, c'est vrai. Mot. Ouais, parce que je croyais qu'il y en avait l'un, c'était de faire les choses et l'autre c'était de pas bah, les faire. Je crois, mais en fait je crois que non. Ah, je vais... ok, je allez. Adridico. C'est la nouvelle chronique du podcast. C'est le fil rouge. Là, je me suis ridiculisé. Chacun dit un mot. Dentifrice, tu peux regarder. C'est pour sauver les dents. Genre, tu regrettes de faire un truc et. Et t'as des remords d'avoir fait quelque chose. Et t'as des remords de pas l'avoir fait. Genre, je regrette de t'avoir insulté. J'ai des remords de pas t'avoir dit. Pour moi, remords c'était des regrets, mais plus forts. Voilà, bah. Ça rime. Vous le dire, remords, définition, reproche, tourment, regret sincère provoqué par la conscience d'avoir mal agi. Ok. Ah. Bah c'est pareil. Ouais. Voilà, et regret. Mais on repart avec des infos et tout, de ouf quoi. Mais c'est, là, mais, en fait, on apprend en s'amusant. C'est ça. Ça, voilà. C'est le slogan du Floodcast. En fait, on essaye de passer devant les podcasts France Inter, donc on essaie d'injecter un peu de culture. Écoutez Zoom Zoom Zen. Okay. Ah bien sûr, évidemment, du rire et de l'info. 7h30 tous les jours. Vous le savez 7h30 17h. Ah, ah, oui. Ah sinon, non, mais c'est tôt. T'es en quotidienne? Ouais, du lundi au jeudi. Wow. 4 chroniques par semaine. Et ouais, bah, du lundi. Ah, 1 minute 30 de rire. Tous les jours. Ah, pas mal. Ouais. Pas mal. Tu kiffes? J'adore. Ouais, t'as pas ça un truc. Ça doit être bien d'écrire des chroniques, moi j'aimerais bien. Mais quotidiennement, ça doit être impressionnant. Comment? Quotidiennement, ça doit être impressionnant. Tu trouves tout, t'as pas peur parce qu'en plus t'as des sujets imposés un peu, non? Alors, je dois faire une chronique sur l'actu du jour. C'est donc ça. Je choisis ce que je veux dans l'actu. L'actu étant tellement marrant. Bon, la guerre, Pellico. Donc, hier j'ai fait sur le suicide assisté. Non, trop bien. Avant-hier, ah, j'ai top. Fait sur. la lutte contre le VIH SIDA, voilà, enfin okay. je suis dans le fun. Mais franchement pour l'instant j'ai ouais, bah, rien que le jus d'ici. En fait la main en fait elle tape comme ça. Ouais, sur la cuisse. Tape, bah, de rire. Moi je me tape le cul par terre même là, j'en suis à ce stade. Ah, c'est tout. Je meurs de rire. Oui, donc c'est un exercice qui te plaît. Ça me plaît beaucoup. C'est effectivement pas facile, mais en fait, plus t'écris, plus t'arrives à écrire. Et ah, c'est ça un va. Muscle. C'est un muscle. Et puis, sans vouloir me jeter des fleurs, j'écris assez vite. Oh, pas mal. Voilà, j'évite la petite blagounette qui vient. Et, et un jour, sur les quatre, j'ai un co-auteur qui fout un petit coup de polish. Un petit coup de polish. Comment il s'appelle ? Il s'appelle Xavier Cuevas. Okay. On l'embrasse, on le salue. Des gros bisous. Xavman. Javier. Oui. Ouais. Vous le saviez peut-être pas. Mais oui. Vous avez dit oui. J'ai pensé à haute voix. Vous avez fait oui. On voulait pas te faire de mal. Vous ne le saviez peut-être pas, mais il y a quelques jours, c'était les Emmy Awards. Bien sûr. Et oui. Et oui, ah oui, quand. C'est... Ah non, attends, je confonds peut-être Golden Globes et Emmy. Ou Golden quoi. Et Emmy LTR. Non, mais The Bear, ils ont, c'était pas. Ah oui, non, les Emmy, c'est ça, meilleur comédie. Il a gagné meilleur comédie, alors que c'est peu drôle. Vraiment, pareil, des grosses barres de rire, The Bear. Vraiment, très très bonne comédie. Mais en fait, ils mettent en comédie ce qui n'est pas un drame absolu, quoi. Pardon, Florent, quelque chose vient de me revenir en tête dont je voulais parler. J'ai peur d'oublier, et c'est très bien qu'Axel soit là. Aïe, aïe. On va revenir sur quelque chose que tu as dit dans un podcast. D'accord. À savoir que tu étais bon au jeu des pinces. Ah oui. Ah oui. Donc, oui. Est-ce qu'on peut revenir donc le jeu des pinces des fêtes foraines. Je me suis humilié devant mes amis. Florent soutenait Mordicus à ce micro. Que c'était pas truqué. Et qu'il était bon. Et j'étais était bon. Vraiment bon. Et moi, je disais, y a pas à être bon. En fait, c'est juste, tu joues et si t'as la chance de tomber sur le moment où la pince sert pour de vrai, tu gagnes un truc. Okay. On est allé dans une fête foraine, notamment avec Axel. Vous avez vu la série Fiasco ? Déjà, on a découvert. Il y a mon frère dedans. On a découvert déjà un autre visage de Florent, qui est Florent addict. Ah ouais, c'est vrai. Des fois, on disait, il est où Florent ? Et il s'était éclipsé pour aller jouer aux pinces. Il a laissé 1600 balles. Non. Et vraiment, il a dépensé énormément d'argent, on peut le dire. On dira pas le montant, je le sais même pas. On le sait même pas. On ne peut que estimer, mais c'est gargantuesque. Et tu as passé toute la soirée à jouer aux pinces. Et tu as gagné une peluche. J'ai gagné une peluche quand même. Déjà pas mal. Un petit Dumbo. Oui. Sachant que on a également tous deux gagné une peluche en jouant beaucoup moins. À mon deuxième essai, j'ai gagné une de peluche. Mais alors, attention, est-ce qu'on peut dire la peluche peut-être qui a gagné une peluche tub. Oui, une bonne tub. C'était pour régaler. Mais alors, moi, depuis tout à l'heure, j'écoute, mais je sais pas c'est quoi le jeu de la pince. Ah, bah si, tu sais, c'est dans la fête foraine. Ah, d'accord. Le grappin. Ouais. Mais ça a un nom, non ? Les pinces. Moi, j'appelle ça une arnaque, mais. Moi, les pinces, c'est les gens qui sont là. Moi, j'ai pas ma carte bleue sur moi. Attends, je pince. Fête foraine, je vais regarder ça. Les radins. On va aller sur Adridico. non, il y a écrit grue attrape peluche peut-être. Non. Non, mais du coup, maintenant j'ai compris. Mais tu vois, c'est pas un jeu quoi, c'est vraiment juste. Non, oui. Moi, à une époque, j'en attrapais. Ouais, non, mais toujours, juste au bout du 28 millième essai. Ah, j'ai perdu la main. Eh bien, écoutez. Attends, je suis sur ma lancée parce que j'ai une note. Savez-vous qu'il a voté Bardella aussi ? Bon, ça va, Adrien. C'est pas non, là, c'est. Intégralement c'est... me débunker autour de cette table. Là, je me débunk moi-même. Oh là là. À ce micro, j'ai raconté une anecdote où quelqu'un m'avait dit qu'il m'avait vu dans un sketch où je disais je vous avais bien dit qu'elle s'appelait Sandrine et je disais j'ai jamais dit ça. J'ai reçu bon nombre de messages pour me dire c'est le sketch stress. Vous analyserez. Alors, parce que Adrien a dit bon nombre de messages, vous analyserez le ton de sa voix. Je suis Fabio Licard. Il voulait dire trop. Oui. Non, en vrai, ça va. C'est pas tant que ça. Et de toute façon, tant que je le dis pas publiquement, bien sûr, ça ne s'arrêtera jamais. Je crois que je l'ai fait d'ailleurs en story. Mais bon, après les stories, c'est éphémère. Poste-le en dur. Ouais, bien sûr. Non, et donc c'est effectivement le sketch stress de Golden Moustache. Où... Bon, alors, à ma décharge, je ne dis pas ça du tout. Je dis, je l'avais dit, Sandrine. Voilà, je dis ça. Ouais. Okay. Donc, sketch sur lequel je t'ai fait un compliment que t'as adoré. À l'époque. Ah oui, c'est mais qui est resté. Mais c'est Axel, t'as ça des fois. Tu fais le compliment. Les pires compliments. Ouais. J'ai trop hâte qu'il me fasse un compliment. Je sais que j'ai été maladroit dans le passé, Flo. Je suis désolé. Que à l'époque, Axel m'a dit c'est comme ça que t'es le mieux en tant que comédien, c'est juste par petites touches. Oh, c'est la pire chose que j'ai entendue de ma vie. Tu lui as probablement ruiné 3-4 ans. Je l'ai mis rôle 2 sur Groom après. Après, à ta décharge, c'est ce que se disent apparemment tous les réalisateurs de France. Même ton meilleur pote. Non, sauf mon meilleur pote qui m'a offert une sublime scène dont on me parle encore. Plaisir, ça fait plaisir. Souvent, et Adrien surtout est un très bon truffier de ça. C'est-à-dire que la moindre maladresse est notée. Ouais, bon, donc c'est ma fête là. Non, au contraire, t'es très fort. Comme la chanson pour voir de mal partout, c'est ça. Non, pas le mal, c'est parce que t'as raison. T'es hypermnésique ou pas? Non. Bah non, parce qu'ils ont. Tu te souviens de ce sketch? Parce que je trouvais que tu te ressouvenais de plein de choses. Mais oui, non, là, en fait, le truc, c'est que ça il fait plaisir. Il a décidé de mettre des points sur des i. Tu vois ce que je veux dire? Et des barres sur les t. Exactement. Les t de Tadi. Ouais. Ah, ouais. Tadi à mettre des points dessus. Ouais. Bon. J'ai rien capté. Je vais me faire foutre. Non, mais non, c'est juste que ça fait plusieurs épisodes. Je me dis, faut que j'en parle. Ah ouais. Donc du coup, je me suis fait une note mentale. Ouais. Okay. Bien joué, bien joué. J'ai un troisième truc, mais. Non. Non, mais c'est. T'as un troisième œil. C'est au moment des recos, donc. Ah voilà, il est fort. Alors donc je vous le disais, vous le savez peut-être pas, mais il y a eu quelques jours, c'était les Emmy Awards. Et bien en France. Calme-toi, Nekfeu déjà. J'en ai ouais, mais je suis un rap god. Voilà, je suis Eminem. Nous avons eu les premiers Télé Loisirs Awards. Alors déjà, mais attends, ils ont refait les 7 d'or en gros. Quoi. C'est la première édition des Télé Loisirs Awards, mon pote, et ils ont élu les meilleurs. J'ai une question. Les 7 d'or, c'était Télé 7 jours ou pas? Oui. Oui. Après, ouais, c'était le logo de. Ok, de d'accord. Donc ils ont vraiment. Putain, mais oui, je le savais pas. Et ouais. Wow, vous venez de m'ouvrir les yeux. Tous les trucs qu'on apprend. Et c'est Stéphane Bern et Karine Le Marchand qui ont gagné. Eh bien, en bonne réponse de Marie De Brouwer. Donc c'est bon, on a. C'était la question. Non mais c'est bien. Bah voilà. Bah non mais. Excuse-moi. J'en ai quelques autres. J'ai touché les petits orteils d'Axel. Je suis désolé. Non, ça va. Eh oh. Pourquoi ça me ferait mal? Ils ont gagné quoi? Non, meilleur animateur, meilleure animatrice. Un an à Télé Loisirs. Non mais par contre, il y a eu d'autres choses. Il y a eu le meilleur meilleure présentatrice de journal télé. À votre avis, c'est qui? Harry Roselmack. Non, animatrice. Présentatrice. Alors. Je sais pas s'ils ont séparé les gens. Franchement, je saurais même pas dire. Attends, présentatrice. Non. Il y a Anne-Sophie Lapix. Il y a Anne-Claire Coudray. Anne-Sophie Lapix. Meilleure émission de talk-show. Je suis Anne-Sophie Lapix. Pascal Pro. Vous l'avez ou pas là? Oui, je suis la femme qui va de loin. Ouais, voilà. L'homme qui tourbe à Pix. L'homme qui tourbe à Pix. Anne-Sophie Lapix. Tu bosses sur le prochain Astérix, on va dire, toi. Bien sûr. Cela dit, si j'écrivais un Astérix. Mais j'écris par petite touche, vraiment. Il y aurait une journaliste qui est jouée par Anne-Sophie Lapix, mais tu dis jamais son nom. Juste comme ça, les gens font leur chemin vers la blague. Personne ne l'aurait et les producteurs diraient. Non, non. Les geekos. Le journal de 20h, c'est très. C'est très regardé quand même. Quand même. Oui, mais je pense. Oui, mais si tu dis pas le nom. Ah, mais toi, tu dis. Moi, je pensais dessin animé, pardon. T'es un malade. Je pensais que tu disais elle fait la voix. Non, c'est elle. Non, c'est elle. Ok, ok. C'est elle. Moi, je bosse sur du live action, mon pote. Et oh. Avec une petite flèche qui dirait c'est la meuf de la télé. Dites-vous le nom, vous allez comprendre la blague. Meilleur talk show. Zen. Non, il n'y a pas le web. Non, c'est pas un talk show. C'est à vous? Non, mais ça commence par un C, puisque c'est dans l'air. C'est l'air. Ah oui, j'ai jamais regardé. Quand je joue du tout. Et donc, Marie, effectivement, tu as raison. Stéphane Bern, attention. Meilleur animateur. Oui, Stéphane Bern. Ouais. Bonjour. Non, j'arrive pas. Ah, presque. Pourquoi et la meilleure. Un mouvement de bras. Elle a fait le génie d'Aladin. J'ouvre la porte comme Stéphane Bern. Oui, et vu que c'est un château, elle est très lourde. Oui. Ça, c'est moi. Ça, ouais, c'est moi dans le podcast. On l'a piqué à Stéphane Bern. Et évidemment, celui qui n'est pas dans le top 250, c'est Guillaume Play. Pourquoi je vous parle de Guillaume Play? Parce que j'ai un jeu à vous proposer. Et oui, le jeu du Guillaume Play. Est-ce que vous connaissez le jeu du Guillaume Play? Est-ce que on c'est doit... tu. Oui, vas-y. Non, vas-y. Moi, j'allais dire, tu vas nous donner des titres d'émissions et c'est celles qui n'existent pas. Exactement, j'allais dire ça, c'est un vrai on faux. Se resserre la peluche. Oui, voilà. Nous sommes la même personne, on a les mêmes chaussures. Let's go. C'est vrai. Et oui, Guillaume Play. J'ai un début de Guillaume Play. Je peux vous le faire? Vas-y. Alors Adrien, j'ai regardé sur Wikipédia, apparemment toi t'aurais chié dans un gosse. Est-ce que c'est vrai? Je l'ai lu sur Wikipédia. Non, alors, mais c'est vrai, je savais pas. Le fond de des faux est faux, hein, je précise. C'est pour un sketch. J'ai chié dans le ventre de ma mère. Oh, cela dit, c'est vrai. Mais ça, vous le savez pas. Sur Wikipédia. Récemment. Ça, tu fais pas mal, hein. Pas récemment, parce que. Bien sûr. Pour des raisons de. Oui, bon, allez. Je pense que je vais être bonne à cette question car. Tu regardes? Bah, t'écoutes. J'écoute de temps en temps. Les gens de médias. Oui. Légende média, bah légende, oui. Légende, juste les épisodes du médecin légiste belge complètement zinzin. Alors, bah justement, alors j'y vais. Un pardon. Tatoueur raconte les pires tatouages qu'on lui a demandé, entre parenthèses, Shrek nu, croix gammée. Je vais essayer, je continue mon imitation. Là, je dis non. Ah, là, elle sent que. Moi, je dis oui. Tu dis oui, toi? Attendez, pardon, qu'est-ce qu'on. On je vous donne des titres de vidéos de Guillaume Play. Je suis débile. Non, il était encore sur mon imitation, elle était excellente. Il est au 7ème café, il est en train de mourir. Ses paupières, elles font. Un tatoueur raconte les pires tatouages qu'on lui a demandé. Shrek nu, croix gammée. Moi, déjà ça oui. rime. Bah, tu penses que c'est un vrai titre ou que c'est un faux titre? Bah ouais. Oui. C'est un faux titre. Et voilà. Non, c'est un faux titre. Allez, ouais. Un point pour Méniel. Un point pour Méniel. Il repêche des déchets dans la Seine avant les JO. Trottinette électrique, cadavre. Que vous débutiez l'implémentation de votre programme de sécurité ou que vous souhaitiez le renforcer, démontrer des pratiques de sécurité de premier ordre et établir de la confiance est plus important que jamais. Vanta automatise votre mise en conformité sur ISO 27001, SOC 2 et une vingtaine d'autres standards en vous permettant d'économiser du temps et de l'argent, mais aussi de construire un socle de confiance solide avec vos clients. Aussi, vous serez en mesure de rationaliser vos revues de sécurité en automatisant vos questionnaires et en démontrant rapidement votre posture de sécurité avec un Trust Center directement accessible à vos clients. Plus de 7000 clients, comme Conto, Alan ou Pigment, utilisent Vanta pour gérer leurs activités de risque et de sécurité en temps réel. Obtenez 1000$ de réduction en vous rendant sur vanta.com/tech. vanta.com/tech. Oui. Ouais. Bah ouais. C'est faux. Oh hey, c'est faux. Il nous a fait le coup du deux fois faux. Mais ça, c'est pas possible. Je pense qu'ils existent et que tu sais pas. Hein. Le prochain, impossible qu'il soit faux du coup. Une aide-soignante en EHPAD raconte son quotidien. Mort, incontinence, l'émission Slam. Non. Ouais, bah non. C'est... Bah non. C'est faux. Bonne sœur à 23 ans, elle se confie sur sa vie de religieuse, entre parenthèses, privation sexuelle, argent. Oui, évidemment. Bien sûr, privation sexuelle en majuscule, bien sûr. Assistant sexuel, il donne du plaisir à des personnes handicapées. Bien sûr, évidemment. Bien sûr. Coiffeur, un expert des cheveux me rase enfin mon infâme catogan. Médecin légiste, comment une femme a réussi à se suicider de trois manières différentes, perceuse, électrocution. Oui. Mais il y en a... attends, c'est peut-être pas ça le sous-titre, il est pas ouf. Il y a pas se suicider de trois façons différentes. Comment une femme a raté quoi? Comment une femme a réussi à se suicider de trois manières elle en même pas temps? Pas réussi. Trois manières en même temps. Temps, oui, d'accord. Ah oui. Bah oui, pardon. Ah oui, d'accord. Différentes en même temps. Ça c'est con, je les ai tous écoutés. Alors, on dit perceuse, pardon. Perceuse, électrocution. Mais il n'y a pas le troisième parce qu'il maîtrise l'art du buzz. T'as envie de cliquer là. Le sixième va vous étonner, genre. Bon après, tu t'électrocutes avec une perceuse jusque là, assez simple. Ouais. Le troisième serait noyade peut-être si elle le fait dans une baignoire. Si c'est dans un accident de voiture, c'est fort. Non mais elle est dans une baignoire, elle se perce avec une... Bon, c'est pas du tout le jeu, hein, pardon. Ouais, puis c'est un jeu sympa. En vrai, assez facile. 3, c'est facile. 4, t'aurais dit pas mal. Pas mal. J'ai envie d'y croire, moi je dis oui. Alors que je les ai tous écoutés, que je m'en rappelle juste pas. Est-ce que tu peux relire l'intitulé? J'ai un doute. Médecin légiste, comment une femme... Alors ça je l'ai lu d'ailleurs, c'est super intéressant. Ah oui d'accord, c'est le médecin légiste qui raconte. A suicidé de trois manières en même temps, perceuse et électrocution. Allez ouais. Oui. C'est oui. Médecin légiste, il retrouve des rats vivants dans le corps d'un homme mangé par des chiens. Oui. Non. Allez oui. Moi je dis non. C'est oui. Embaumeur de cadavre, il s'occupe du corps de son père décédé. Attends, en quoi? En embaumeur de cadavre. Non, bah non. De quoi? Il s'occupe du corps de son père décédé. Et bah, ça, je l'ai lu et je trouve ça super intéressant. Déjà, premièrement, j'ai envie de dire que ce soit vrai ou faux, heureusement que le père a décédé. S'il l'embaume. Arrête de m'embaumer! Putain, tous les Noëls! Je vais faire une sieste ou c'est. Est-ce que c'est assez. Ouais. Moi je dis oui. Ah et moi je dis non, c'est pas assez hardcore. Moi je dis oui, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Mais c'est pas assez hardcore. C'est faiblard, hein. C'est faiblard pour un gameplay. Vous trouvez pas Flo anormalement trop content de nous donner la réponse à chaque fois? C'est un jeu que j'ai travaillé. Mais il est content, j'adore vous piéger. Mon rêve est d'être Reichmann, j'ai le droit. J'ai envie d'être Reichmann. Un proctologue, alors ça ouais, ça je l'ai lu, ça je trouve ça super intéressant. Un proctologue nous partage ses anecdotes les plus insolites. Il est comme un dingue. Non, ça c'est juste le floodcast, je pense. Bah, des fois c'est limite. Hein. Un proctologue quoi, pardon? Nous partage ses anecdotes les plus insolites. Oui, non. Moi je dis, il n'y a pas de parenthèse donc c'est faux. Des fois il n'y a pas de parenthèse. Hein. Ah ouais? Mais. Moi je dis c'est. Ah putain. Moi, non, vas-y, je dis faux. Non, faux. Vrai pour Marie? Oui. Je dis faux. Parce que pour moi. C'est faux. Et je vais te dire pourquoi j'ai dit que c'est faux, parce qu'en fait, c'est pas les proctologues qui ont les meilleures anecdotes. C'est plus les gens aux urgences qui reçoivent les gens qui ont des trucs dans le cul et tout. Mais tu vas pas chez le proctologue, c'est juste t'as des hémorroïdes ou des trucs comme ça. Je vois ce que tu veux dire. Je pense que t'as pas d'anecdote si folle. C'est un j'ai épisode déjà de vu. Trou détective ou quoi là? Il est trop fort. Un trou de balle détective. Allez, mais applaudissez. C'est probablement un titre valable. Ah, il est excellent. Il est malheureusement excellent. Ouais, je suis trop de bonne humeur, je vois bien. C'est agressif. Bah, c'est l'imodium duo, ça. Ouais. ça te fout un coup. Un job tout seul, bon. Pardon, je me calme. Un gynécologue nous raconte les meilleures anecdotes de sa carrière. Meilleur, bizarre, meilleur. Ouais, mais du coup, pour Guillaume Play, j'ai dit oui. Elle a foi la chatte, là. C'est ça l'anecdote. C'est ce qu'il dit. C'est une miette pour moi. C'est oui, malheureusement. 2 millions de vues. Sexologue, tout ce que vous devez savoir sur la sexualité. Orgasme, femme fontaine. Oui. Oui. Employé d'hôtel de luxe, pan albino, sextoy pour Rihanna. Groom. Les demandes les plus folles des stars. Oui, non. Totalement. Il aime bien les trucs un peu juicy, j'ai l'impression. Ah, il est fou de juicy. Il aime le thé. Bah, tu parles de allez, trop tard. Je suis pas hypermnésique, comme tu peux voir. Même les mots que je dois prononcer, je les oublie. Donc. C'est vrai, c'est une vraie vidéo. 24 heures à Auschwitz, deux rescapés racontent en détail l'enfer vécu, entre parenthèses, avec Cyril MP4. mais attends, je crois que je l'ai vu. Mais ça me dit quelque chose. Si, c'est vrai. C'est possible, mais ça me C'est vrai. Ah, peut-être je l'ai peut-être. Cyril MP4 et Guillaume Play. Ouais. Ils sont copains, genre. Bah, en tout cas, ils ont visité Auschwitz ensemble. Mais est-ce que Cyril MP4 a la bouche grande ouverte sur la vignette? C'est ça la question. Sur le crâne. Alors, à votre avis? Moi, je dis c'est vrai. Je suis Adrien. Moi, je dis faux. C'est vrai. Il a la bouche. Alors, on voit que. C'est mieux fait quand même. C'est serious business, il a la bouche vraiment fermée. Ses deux lèvres se touchent. Il ne rigole pas. Il y a un respect quand même. On teste des burgers avec des rescapés du Bataclan, fit Kevin du rire jaune. Bon, c'est non, ouais, c'est non, bon. C'est non, non, c'est non, c'est non, j'imagine. Non, c'est non, je m'attendais pas à réponse. Tu parles de l'empereur, bien sûr. Oui. Médium, elle parle aux morts depuis ses 8 ans et prédit l'avenir, entre parenthèses, de Ligonès, vision. Oui. Allez, oui, bien Marie, sûr. Marie, elle est sûre d'elle. Ça, oui, elle les a vus, ceux-là. Elle les a vus passer. Je les ai vus passer. Bien sûr, elle les a vus passer. C'est en. Voilà. Atteinte d'une tumeur, elle crée un déo bon pour la peau. Gros succès, point d'exclamation. Non. Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est vrai. J'aimais les deux. Oui, parce qu'ils ont. Il fait des trucs avec des entrepreneurs. Ah, il est fou d'entrepreneurs. Ouais. Moi je dis c'est vrai. C'est vrai. Et si je vous dis, il tue un braqueur et sauve son ami qui a pris une balle dans la tête, entre parenthèses, policier. C'est oui, tellement oui, c'est. Oui. C'est évidemment oui. Entre évidemment parenthèses, oui. Policier, j'adore. Bien sûr. Il faudrait rentrer tous les titres dans ChatGPT pour qu'ils nous en génèrent des évidemment, nouveaux. Mais moi j'essaye de les écrire, mais c'est vrai qu'on pourrait le faire avec ChatGPT. Non, mais en plus, en disant ça, je me suis dit. Quel intérêt de faire ça? Vraiment, pour faire quoi? Je sais même pas. Olivier Mine livre les secrets de son impressionnante musculature, entre parenthèses, sport, stéroïdes, Fort Boyard. Non. Je dis oui, moi. Pour le jeu. Ouais, c'est non, mais j'en rêve, hein, bien sûr. Affaire Naël, une France en pleine guerre civile, oh là là. Jordan Bardella, président du RN, répond. Non, c'est pas possible. Je vais dire non. Peut-être. Oh, attendez, après il a pu demander aussi à des partis de gauche, enfin voilà. Oui, bien sûr. Ouais, comme il avait fait pendant les élections présidentielles, où il avait dit je vais interviewer tout le monde, et il avait fait genre Marine Le Pen, Zemmour, Hidalgo, après il a fait bon, j'arrête. Genre Lassalle, je crois. Il a dû avoir Lassalle. Ah ouais, bon, tu voulais interviewer des gens de droite, t'as pris Hidalgo pour le sport et t'as arrêté quoi. Il dit qu'il a demandé à tout le monde. J'essaye de. Voilà. Ouais, bien sûr. Moi l'idée, attention, vous entendez le jeu. C'est qu'il l'a fait. Qu'il a dû le tenter. Vrai. Ah, j'ai envie. J'ai pas de souvenir de cette vidéo. Enfin, j'ai pas vu passer des trucs. Mais. Ah, je vais dire ouais. Allez, je dis vrai. Mais affaire Naël Bardella. C'est vrai. Ah, là, c'est vrai. Et évidemment, non, hein, il a pas demandé à des gens de gauche. C'est juste Jordan Bardella qui a donné son avis sur cette histoire. Voilà, bah, au moins vous l'avez. Attends, on peut revenir là-dessus. C'est un truc sur l'affaire Naël. Il y a Jordan Bardella. Ah, bah oui, mais bon, voilà. J'ai arrêté. La bonne humeur est mise à rude épreuve. J'étais au milieu d'un village. Je me suis dit pourquoi pas construire une petite église. C'est trop con. Bien sûr. Clara Morgan nous raconte qu'elle n'a jamais dit décès de son compagnon, carrière dans le X. Oui. Allez, oui. Pareil, bien sur sûr. Un petit grand écart. C'est vrai. C'est bah vrai, oui, effectivement, bien sûr. Évidemment. C'est Playcore. Frérot Depardieu, son quotidien de sosie est un enfer depuis les accusations contre Gérard. Frérot Depardieu. Son quotidien de sosie est un enfer depuis les accusations contre Gérard. C'est faux, mais j'aimerais tellement que ce soit vrai. Allez, c'est vrai. C'est vrai. C'est faux, Marie, bien joué. Bah oui. Cyril Féro, son parcours méconnu, de la prison à l'émission Slam. Arrête. Non. Impossible. Non. Marie ? Non. Ah non, bah oui, bien sûr. Jimmy Labeu nous raconte sa vie, entre parenthèses, impossible, je ne l'ai jamais laissé parler. C'est faux, évidemment. Eric Nolo, pourquoi il déteste Sandrine Rousseau ? Oui, sûr. Ah là là. J'aime bien, c'est juste des. Non mais putain, Nolo. Mais il, quoi. Il pleure, il pleure, Adrien. Il a le bingo de tous les gars. Il a tout, il a tout, il a tout. Hein, putain, ouais, je savais pas que c'était à ce point. Bah, oui. Là, dernièrement, bah, c'est tu vrai. Gardes, tu gardes pour la fin, j'imagine. Bien sûr, non, je garde quelques trucs. Maxime Gasteuil nous parle de tout. Burnout, film, Zona, en mangeant de la charcuterie vegan. C'est vrai. 100% oui. C'est vrai, c'est vrai. C'est, voilà. C'est vrai. Pierre Palman nous parle de son rapport à la mort en mangeant une pizza hawaïenne. Non, ah, c'est faux. Jean Lassalle nous raconte. C'était la 4 fromages. Jean Lassalle nous raconte la plus grosse cuite de sa vie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est mais vrai, non, c'est vrai. Alors je l'ai fait vite. Didier Raoult sans filtre, il revient sur le Covid-19. Entre parenthèses, vaccin, industrie pharma, politique. Oui. Non. Oui, oui, oui, bien sûr. C'est pas possible. Robert Forisson fait le zozo. Allez. Entre parenthèses, mytho, prank. Ah, non. Ah, bon. Non. Et c'est faux. Nathalie Marquet, les signes qu'elle reçoit après le décès de Jean-Pierre Pernaut. Entre parenthèses, manifestation. Oui, oui. Bien sûr. Oui. C'est oui, c'est bien oui. Bien sûr, bien sûr. Jean-Luc Reichmann, les signes qu'il reçoit après le décès des Easy Pots. Entre parenthèses, attention à la marche. Question co, question in. Non. Et non. Quel plaisir. Cette gecko et sa femme font une overdose et deviennent fous à l'aéroport. Non. Oui. Oui. Ah bah, ah. J'espère que c'est faux parce que overdose, ça veut dire que tu es t'es mort. Donc, c'est vrai, c'est vrai, c'est ouais, une bien sûr. Je suis très choqué par le manque de vocabulaire. Il semble qu'il est vivant, cette gecko. Bien sûr. Ouais. On teste les limites du char Leclerc avec l'armée, entre parenthèses, tir, dérapage, pilotage. Bah oui. Bien sûr. Il est fan d'armée, ce gars-là. Eh oui, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Ah oui, il est fan, hein. Bah oui, on tire à bout portant sur des prisonniers de guerre. Oh. C'est bon, c'est bon. On a filmé la plus grosse saisie de cocaïne à Marseille, entre parenthèses 514 kilos. Oui, oui, oui, oui, bien sûr. Bien sûr. On arrête littéralement Xavier Dupont de Ligonnès, entre parenthèses, il a aussi tué des chiens. Mais non. Eh non, bien sûr. Non. Il recoue ses doigts avec du fil dentaire, entre parenthèses, guerre en Afghanistan. Non. Oui, bien sûr que oui. C'est oui, mais. Oui, c'est oui, c'est oui. Je l'ai non, vu c'est en faux, plus. C'est faux. Non, c'est faux, c'est faux. J'avais vu, putain. Je l'ai vu en plus, vous vous rendez compte. On confond, c'est normal. Il perd ses deux jambes en combattant l'État islamique ex-force spéciale. Oui. Oui. Oui, et c'est une vidéo sponsorisée par HelloFresh. Tu te fous de ma gueule, c'est vrai ça? Il retrouve sa fille disparue chez un tueur sataniste. Oui. Chez un tueur sataniste. Un tueur sataniste. Allez, moi je vais dire. À la manière de Scooby-Doo. Moi je vais dire c'est faux parce que t'as le vrai après. Oh, il commence à essayer de deviner la méta celui-là. Ouais. C'est un shonen. Faux. Ah, mon esprit est shonen en tout cas. Il glisse ailleurs. Oui, c'est faux. C'est vrai. C'est vrai. Oh oui, c'est vrai, c'est vrai. T'es insaisissable. Ancien hacker pour les services secrets, il code aujourd'hui les grilles de mots pour l'émission Slam. Oui, non, c'est faux. Voilà. C'est... Bon, voilà, c'était une petite parenthèse. T'as pas mis voilà. Dieu donné. T'as pas mis Dieu donné. Bon, non, mais ils l'ont vu ça. Ouais, Dieu donné, bon. Le petit festa, il fait oh salaud. Oh. Je l'ai pas regardé moi. T'as pas vu le droit de réponse. Il avait pas le choix, d'accord. Commencez pas à critiquer mais Guillaume Play. Mais parce que c'est qui ah bah tu fais une séquence. T'as pas fait une séquence encore. À partir de Bossa Nova, je crois. Ah, c'est parce qu'il a interviewé Elise Moon. Et apparemment, Dieu donné a demandé un droit de réponse. C'est ça. Il a vraiment sorti une loi de son chapeau. Disant, je suis obligé de l'inviter, malheureusement. J'ai pas le choix. C'est moi la loi. Tu peux nous montrer. Non, non, t'inquiète. Okay. Bon, dans un, alors un sondage encore. Quelle est la personnalité politique préférée des Français? Oh non, j'ai peur. Non, alors, bah, putain, c'est marrant parce que j'ai vu. C'est pas de l'extrême droite. C'est pas Barnier. C'est Michel Barnier. Non. Mais de comment c'est possible? Eh oui, à peine nommé, Michel Barnier, sacrée personnalité politique des Français. Oui, bah, préférée en des oui Français. Tous les fachos. Oui. Oui. Bah, ils aiment bien une seconde, du coup, parce qu'il leur en faut peu. On sait oui, plus qui bah, c'était, ce gars. Tu crois pas au coup de foudre, Marie? Laisse-moi la possibilité de douter du coup de foudre. Alors, cela dit, parce que moi, j'avais juste regardé le début, mais j'avais vu ce classement en vidéo sur la chaîne de Hugo Décrypte. Ouais. Et il partait de la fin. Genre c'était les 20 personnalités politiques préférées des Français. Et je crois qu'en 20 il y avait genre Lucie Castet. Et je m'étais dit non. Enfin genre ouais. On sait juste son nom quoi. Enfin genre c'est vraiment juste un nom. Et vraiment les gens disent c'est ma préférée. Tu mens aussi au même titre que les fachos. Sauf qu'apparemment ils sont plus nombreux. Donc Barnier est premier. Apparemment ouais, voilà. Moi oui. Mon préféré c'est Benjamin Griveaux. C'est faux parce qu'il a envoyé ça. Top du mec. Top du mec. Il en est où lui? Bah fin de carrière rapide hein. Ouais. Mais il doit être dans le privé à mon avis. Ouais, il y a jamais. Il y a toujours. Ils savent rebondir hein. C'est des ressorts ces mecs. Ah, il y avait Benjamin Griveaux qui a rebondi. Et alors justement. Oui. Justement, un membre du gouvernement Barnier, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, Retailleau, ouais. A participé à un moment historique de l'histoire de la télévision. Savez-vous lequel? Et alors ça régale, ça je vous le dis. Un défilé de la manif pour tous. Non, moi je sais. Comme c'est tout le gouvernement quasiment. Parce qu'il a triché, c'est ah oui, les vachettes là. C'est Interville. Interville. Ouais, Souvenez-vous. Souvenez-vous, les trois doigts. Oui. Bah, Olivier Chiabodeau. Olivier Chiabodeau, traîné dans la boue. Qui a lui d'ailleurs également fait un droit de réponse hein, dans un livre. Non, il a fait un album de rap. Non, sur la chaîne de Gameplay. Ouais, exactement. Tous les droits de réponse, c'est là-bas. D'ailleurs, Gameplay va faire un droit de réponse dans le podcast, c'est sûr. Par rapport à ce qu'on raconte. On sera obligé de l'inviter. Mon catogo. Déjà, c'est un man bun. C'est rien à voir. J'ai eu un truc, c'est hyper intéressant sur le podcast. Alors, j'ai vu, c'est incroyable. Là, j'ai appris ça. Donc, oui, Olivier Chiabodeau qui avait aidé le Puy du Fou, la ville du Puy du Fou. Déjà, et en plus, c'est vrai que c'était déjà le Puy du Fou. Ah, mais parce que c'était Magouille et compagnie. Moi, j'ai envie de faire un film sur cette histoire, je te le dis. Ouais. Le désormais ministre a commencé sa carrière politique auprès de Philippe de Villiers, rencontré au Puy du Fou, alors qu'il officiait bénévolement comme cavalier dans la Cinécennie à 16 ans. Il a fait le Puy du Fou, il a participé. À 16 piges, ouais. Il était cavalier. Les deux hommes se lient d'amitié. Mais là, c'est tout le floodcast core qui est en train de s'emboîter devant nos yeux. Ouais. Là, il suffit qu'il soit pote avec Sardou et qu'il soit battu contre un singe. Et on a tout le coin, tout le lord. Voilà. Les deux hommes se lient d'amitié au point que Bruno Retailleau se voit plus tard confier la mise en scène du spectacle. Mais attends, est-ce que quand il était chevalier et qu'il allait à l'assaut, il criait Taillot et après il disait Retailleau la deuxième fois ou pas? Vous avez la vanne? Non, oui, c'est si, pas si. Drôle. Si, si, pardon. Okay, non, mais on va pas. Attends, mais non, mais. Le problème, c'est que. Elle provoque pas l'hilarité tout de suite, mais elle est superbe. C'est un bon vin. Mais moi, j'accepte de faire une blague de merde. Les humoristes sont là pour s'entraîner, donc voilà, on les soutient, on rigole, on applaudit quand c'est marrant. Ayant visionné l'intégralité de la séquence, les journalistes révèlent de France 5 sur Arrêt sur Image en 97 qu'ils avaient fait tout un truc sur Interville. On lit sur les lèvres de Bruno Retailleau 2, c'est la 2. Un article de Libération commente le candidat prétendait qu'il ne pouvait plus voir les doigts de l'animateur arbitre. Olivier Chiabodeau indiquait la bonne réponse puisque Jean-Pierre Foucault faisait écran entre eux. Sauf qu'avec l'aide de Bruno Retailleau, la chose serait donc devenue possible. Et oui. Moi, j'avoue que j'ai rien compris à cette dernière phrase, mais je retiens juste qu'il a triché. Non, mais il disait, mais je pouvais pas voir les doigts. Il y avait Foucault. Sauf que dans les images qu'ont trouvé les journalistes, on voit Bruno Retailleau dire aussi la bonne réponse. Oui, Bruno a triché. C'est la 2. Mais il faisait 3 doigts, Chiabodeau, tu viens de dire. J'en sais rien. Écoute, c'était une sorte d'antenne relais. Oui, il a triché à Interville, quoi. Il a triché à Interville. Parce que s'il faisait 3 doigts et que l'autre il a triché la 2, il a mal triché, quoi. Sur Prime Vidéo, ouais. Une série va entrer en tournage en quelques mois. Il s'agit d'une sorte de biopic, mais un biopic sur qui? Les 2B3. Oui, j'ai vu les images. Je travaillais dans les médias, je savais aussi, mais je suis pas allé assez vite. Et c'est Alex Alaire-Joubert qui produit aussi. Qui produit. Parce que je sais qu'elle produit Love Story aussi. Enfin, la série sur Love Story. Et j'ai vu qu'il y avait le remake de Palm Springs aussi qui était. Qui a été annoncé. Ouais. Et le film Mac Walter. Bien sûr. Évidemment, dont on parlait sans parler avec Yvick quand il était venu. Est-ce que vous avez des envies d'histoire, de films ou de séries que vous avez eues et que vous avez jamais fait, mais ça y est, vous avez tiré une croix dessus, des idées de films, ou alors vous gardez tout en magasin pour vous dire peut-être un jour je les ferai, ou de romans, c'est que tu écris aussi Marie, ou de documentaires. Je vous prends de court. Ma valise est pleine de trucs que j'aimerais faire, mais oui, c'est ça. Et t'as fait une croix sur rien. Non, mais avec Jérôme, on veut récupérer les droits de Kick et Fluk. Ça, faut l'adapter en biopic. Voilà, c'est notre marotte. En biopic, hein, pas en adaptation BD. Tu parles de biopic? Pas forcément. J'ouvrais une histoire. Mais si t'as des idées de biopic, vas-y. On avait déjà parlé avec Adrien dans un épisode qu'on avait fait que tous les deux de Balavoine. On trouvait ça fou qu'il n'y ait pas eu de biopic encore de Balavoine. Il n'y a pas eu du tout. Non. Ah, et Balavoine est une bonne idée parce que Balavoine meurt jeune. Pourquoi je dis ça? C'est parfois dans les très court. 27 minutes. Pieux. Et Balavoine du coup est joué par une mouche géante. Voilà, c'est l'idée de Non mais c'est que moi des fois la ziza. Ah ouais. Mais oui, évidemment. Vivre. Mais parce que Balavoine, vu qu'il est mort jeune, t'as pas ce truc qui des fois est compliqué. Ma bon, elle les fera toutes. Bon, je vous le dis, on en a pour 25 minutes. Mais parce que Balavoine, moi, des fois dans les biopics, ce qui me fait chier, c'est quand les tu les vois vieillir, ouais, c'est un peu. Et puis des fois, la vie, la fin de ta vie n'est pas le climax d'un film. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Et Balavoine, la fin de sa vie est un peu un climax de fou quand même, parce que c'est là où il est au plus haut, c'est là où machin, ah etc. Bah, oui, et puis après, très rapidement. Et qui jouerait Balavoine à votre avis? Méniel. Mais non, moi je serais par petite touche. Ouais, sans doute. Son cousin. Quand il y a un repas de famille, je fais eh oh, elle a star là. Elle a star, viens à table avec nous. Attends, le con. Voilà, c'est mon rôle dans le film. Non, mais non, vous savez qui jouerait Adrien? Adrien, il jouerait Mitterrand. Dans le débat où il lui fait. Ah, ouais. En fait, les jeunes, ils en ont marre, monsieur le président. Oui. Vous avez raison, monsieur Balavoine. Oui, j'apprécie beaucoup votre énergie et votre fougue. C'est un discours qui. Je vois que vous n'êtes pas un héros, effectivement. Ouais, effectivement, vous n'êtes pas un héros. Je n'ai pas un héros, je ne le suis pas non plus. Je suis juste un homme qui vous écoute. Assis à cette table, monsieur Balavoine, j'aime beaucoup votre musique. Par ailleurs, je vais en interpréter. Je ne suis pas un héros. Mais faut pas me coller à la peau. Là, j'ai ça. Ah, c'est un medley, monsieur le président. Vous faites un medley. Je cours, je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit. Des mots qui m'entourent. Ok, je change d'avis. Pas un biopic sur Balavoine. Attends, un biopic sur Mitterrand qui décide de jouer uniquement par Adrien. Personne d'autre. Hein. Oh, j'essaie de trouver un sosie pour Balavoine, enfin pas un, non, un comédien compatible, un petit Vincent Lacoste. Bah, on en avait parlé, pas, on avait, ah on ouais avait parlé de ah Lacoste. Bah, on oui avait dit faut qu'il mange, enfin faut qu'il prenne un peu de poids parce que Balavoine ouais est un peu oh, plus, ça va, non, un peu plus carré, un peu plus, non, mais... plus carré que Lacostos. C'est comme ça que je l'appelle moi dans le cinéma. Il est pas assez Lacosto, tu veux dire? Oh, je c'est brillant. Il porte une doudoune jaune au ski, Vincent Lacoste. Ah ouais, de voilà marque Lacoste. C'est fou qu'il soit pas Égérie Lacoste. Il est bon pas Égérie Lacoste. Non, non, il... non mais c'est vrai. Non, mais ils ont fait le naming de son nom de famille, donc c'est quand même déjà un sponsoring. Il touche 10 balles sur chaque veste. C'est ah, il, ah ouais, non, il se met très, très bien. Il se met très très bien. C'est lui qui a eu l'idée du croco. Je sais de lui. Je suis Vincent Lacoste. Je suis en d'accord, en termes d'énergie, il faudrait qu'il se mette une pile quand même pour ouais faire mal à voir. Ah, il peut. J'ai, écoute, il peut, je suis allé hein, voir l'amour ouf. J'ai été voir l'amour ouf. Il m'a. Est-ce qu'il est ouf? Il est toi tu fais des chroniques ciné toi. sur la vignette, il y a écrit l'amour ouf point d'interrogation, pas ouf. C'est comme ça. Ouais, un peu déçu. Et Vincent Lacoste, il est vraiment impressionnant dans l'amour ouf. Okay. Vraiment, il est trop fort. Il de toute façon, est c'est un grand acteur, il, mais il envoie ouais quoi un petit peu. Ouais, ouais, du ouais coup, ouais. Est-ce qu'il a un peu une vibe de Cluzet? Non, parce non que non c'est comme ça que je l'imagine. Ah, pas du Vincent tout. Vincent Lacoste qui s'énerve, non, j'imagine Cluzet. Moi, quand j'ai attends vu. Quand j'ai... tu voulais juste imiter Vincent Lacoste. Je suis un beau gosse, quoi. Je suis un beau gosse, merde. Est-ce qu'il a une vibe un peu François Mitterrand aussi? Non, non, mais je demande. Ah, je suis un beau gosse. Ouais, je suis un beau gosse. Non, je sais pas, j'imagine. Non, non mais je sais pas. J'avais cette vision d'une vibe un peu Cluzet de Vincent Lacoste qui s'énerve. Attendez, moi j'ai pas dit, parce que moi je m'en fous de dire mes idées. Parce que en plus, je pense que probablement je la ferai. Non, mais en plus, des fois, il y a des pros qui font. Eh bah. Attends, j'ai écouté le podcast, on t'appelle. Non, mais j'avais deux idées. Et en fait, parce que moi, en fait, la fiction, ça me branche pas de ouf. Du coup, je les ferai jamais. Mais c'était soit de faire une télé-réalité sur moi-même. Je sais pas si vous avez vu, mais là, au Canada, ils ont fait une série. Putain, j'ai aucune info, ça va être horrible. Ah, mais c'est pas le truc de. Ils ont fait. Ils ont Nathan fait Fillion un... Non, c'est pas ça. J'ai plus les noms. Pas Nathan Fielder, pardon. En gros, c'est. Oh, j'ai aucune le procès là, le truc avec le procès, non, c'est pas ça. Non, pas du okay tout. Ok, d'accord. Pas du c'est tout, c'était pas la peine. C'est... un nom m'aurait largement suffi. Tu vois, c'est ce que je disais, il note un petit peu les trucs et il arrive à prendre des c'est du mockumentaire québécois sur la télé-réalité et tout. Ah. Bref, et ce genre de truc, moi, c'est à manger, quoi. Ah, ouais. Et non, l'autre idée, c'était quoi? C'était. C'est toujours dans la télé-réalité. En fait, genre, j'étais une meuf qui s'incrustait dans une télé-réalité, mais c'était pour mener un peu l'enquête ou quoi. Et c'était hyper absurde, gaulerie. Et à la fin, en fait, il se passe que des trucs horribles et ça se finissait en film d'horreur atroce. Bien sûr. Genre tout par la truc. Évidemment. Et voilà, ça ne verra jamais le jour. Bah écoute, bah non, mais moi le mockumentaire, je te suis à 1000%. Ok, c'est sur moi-même truc... ou, aussi, là, sous allez, moi, je suis pas là-dessus. C'est un très mauvais plan. Ou mes 10 balles max, quoi. Savez-vous ce qu'est la malédiction Vogue? Oui. Oh. Ah? Je le dis du coup. Bah, vas-y, ouais. En gros, les couples qui ont posé pour Vogue à l'occasion de leur mariage, le mariage s'est très mal fini. Ok. C'est ça. C'est genre séparation, pas. Bon, non, séparation. Oui, oui, mais séparation, genre un peu. Enfin, oui, séparation, mais je crois que. Divorce, peu... quoi, en tout cas. C'est oui, mais avec du drama, quoi, un peu, ouais, je crois. Ouais, bah, mais de toute façon. Je prends note, maintenant que je vais bientôt avoir la bague au doigt, de dire non, non à Vogue. Maintenant qu'elle est rangée des bagnoles, la Marie, là, regardez-moi ça, là. Ah, et je me suis garé en épi, hein. Allez pas lui mettre une contre-venche, hein. Non, c'est pas le moment. Hein. Une contre-venche, mais, ouais, une contre-danse, ouais. Non, venche, on disait. C'est vrai. En tout cas, moi, je moi, je viens de le dire. Moi, je viens de le dire, donc c'est pour moi, c'est canon. À une époque, on le disait. Cette époque, c'était il y a 3 secondes. Mais tout le monde va le dire maintenant. J'ai vu dans une revue scientifique que sur Insta. C'est faux. Oui, ouais. J'ai vu que, en gros, plus tu dépenses pour ton mariage, moins la durée de vie est élevée. En gros, plus t'es dans le show, plus peut-être que c'est pas si. Oh là, ouais. Faut pas me dire ça, moi. Ouais. Après, je pense que la source est vraiment. Néanmoins, mes parents ont fait un tout petit mariage et ils ont divorcé au bout de 6 mois. Donc, voilà. Instagram. C'est vrai que c'est pas énorme. Instagram. Ouais. Mais toi, j'ai l'impression que t'as été. Enfin, régulièrement, depuis 2-3 ans, je dis hey, Axel, t'es dispo ce week-end, machin ? Je suis à un mariage. Tu as fait une quantité de mariages ces dernières années. Il inspire la confiance. Mais... t'as envie t'as de l'avoir. Beaucoup d'amis, peut-être. Ouais, ouais, ouais je sais pas. Sa meuf a beaucoup d'amis également. Ah, ouais. T'es le plus sain. Correction qui fait mal. Non, non, c'est pas. Non, t'as beaucoup d'amis, sa meuf. Non, en vérité. Tu es dans le mille ou pas ? Non, mais moi j'ai un socle dur de tout. Voilà. Mais effectivement, tous les mariages se sont cotés. Je connais mon Malive. Non, pas tous. Excuse-moi, mais on était un mariage. Ah oui, c'est vrai. Mais on savait pas que c'était un mariage. Ah oui, bah oui, bien sûr, on savait pas. Moi je suis allé à un anniv. Ah, c'est stylé. Et je repars avec un mariage. Et on a. C'était. Ouais, c'était. D'ailleurs, mariage, je me permets la question, pour ou contre ? Ah, t'es con. pour nous-mêmes, tu veux dire. Oui. Moi, j'ai envie que tout le monde se marie parce que comme ça, on y a ça fait des bonnes soirées. Ouais, ouais. Mais moi, non. Bah moi, j'étais en couple 15 ans et on s'est pas marié, donc je suis pas, c'est pas trop mon délire. Jamais quoi. Trop tard. Hein, mais ceci, sauf dans un cas, qui est la séparation. Mais bon, voilà. C'est ça hyper inquiétant. Il se maquille avec quelqu'un en 3 semaines, ça y est. Oh, écoute, je lui ai foutu la bague. Oh, fait bah, c'était sûr que ça va. Il a quoi te m'en changer, ce man. Mais moi, je suis pas très mariage, mais justement, tu l'as pas fait en 15 ans, tu racontes, mais moi je trouverais ça je me rends compte maintenant que ça fait 10 ans que je suis avec ma compagne. Pourrais le faire si on va jusqu'à disons allez 20 ans, 30 ans, j'en sais rien. Je trouve ça cool de renouveler un peu le truc quand t'es yeuve un peu, ouais, tu vois. Faire un ouais, de mariage, ouais. Tu vois, t'as ma fille si elle a 10 ans, tu vois, je trouve ça cool, tu dis ah c'est cool, c'est ouais. Y a vraiment on célèbre un moment de vie quoi. Et en plus en vrai, autant se marier quand t'es un peu installé, t'as de la thune et c'est pas tu vas pas te saigner pour enfin tu vois, ouais, ouais. Quand tu peux là tu peux. Ouais. Du coup, c'est à dire que t'as fait un enfant hors mariage. Wow. Oui, des cornes sont en train de pousser sur sa tête. Si je peux passer un message personnel pour ta compagne, donc dans les 8 prochaines années, c'est mort, laisse tomber. Voilà. Visiblement. Ah, ouais, parce que elle te met des indices partout, voilà. Là, je le vois dans l'appart. C'est... Oui, il y a quand même des post-it. Du coup, lui, il le dit dans le podcast. Il y a des pétales de rose entre la porte et la table, c'est vrai. Mais... Quand il épouse-moi. Et toi alors ? Ah, bah, moi j'adore ça, sûr. Évidemment. Ah, ouais. Mais en vrai, c'est marrant parce que les gens sont en mode ah ouais, tu veux trop te marier et tout. En fait, moi, c'est pas tant le contrat de mariage, voir monsieur le maire ou de. Et mariage religieux, je m'en fous, tu vois. Mm. Mais c'est plus faire la fête et célébrer l'amour et avoir une belle robe. Mais tu vois, célébrer l'amour, j'ai pas fait beaucoup de mariages. J'ai pas trouvé tant que ça que les mariages célébraient l'amour. Bah, en fait, c'est surtout des belles teufs. Mais je vois surtout des gens stressés. Non mais. Non mais j'ai cru que t'allais dire belle tub. Non. Je me suis dit, on c'est a pas fait belles la même. C'est que quand je parle de Lenny Kravitz. Mais non, je me dis pas waouh. Parce que le problème, c'est que les mariages, c'est tellement des énormes événements, c'est que ça. Les deux mariés, ils sont ultra stressés à devoir organiser et ils sont pas dans un état un peu d'euphorie, de célébration tant c'est que ça quoi. Ils dansent mais vite moi, fait, il y a plus de célébration de l'amour, tu vois, à des soirées avec des potes, et d'un coup, je vois un couple qui se roule des grosses galoches. Ouais, ouais, imagine. Avec la langue qui tourne. T'as la chance. Hey, à droite ou à gauche ? Oh, la langue, je sais pas. Il faut tourner le plus vite possible. Mais je sais pas si on m'a dit. La chance, je me suis entraîné sur une mandarine. Moi, avec mes deux ma main comme ça. Et moi, j'ai un pote, il m'a dit que les doigtés, c'est comme si tu mettais les doigts comme ça, et ça faisait pareil. Ah ouais. Les doigtés sur les femmes. Ah ouais. Ah ouais, pareil, putain. Pareil, il m'a dit. Hein. J'ai pas dit comme ça, mais oui. Je... Il est fort, putain. Ça, dans l'humour, on appelle ça un triple Axel. Oh, le chien. Il y a j'adore. Des callbacks, de tout dans ce. Je vais afficher ça, un biopic et. Intervenu sur le biopic, toi. Vieux salaud. On n'en est pas vraiment sorti ici. Bah, si, parce que c'est sur les mariages. Non, mais je pensais 113. Est-ce qu'il y aurait pas un. Mais t'es. Pardon, t'es fou en fait. Bah, on peut revenir sur des. Enfin, pardon. Ouais, c'est. En fait, le temps, c'est une illusion en fait pour moi. Oui, c'est vrai, pardon. Je suis sage. Hein. En plus, le truc, c'est que j'ai même. T'es encore en mode shonen. Je suis en mode shonen un peu. Mais en plus, j'ai même. En plus. Mode shonen. Oui, oui. I wanna be. En macho man. Allez bien. Oh putain, déposons le truc. Oh putain, Festival Robles, on est bon là, on y est. Non mais en plus c'était du Adrien interrupting parce que j'avais pas vraiment de biopic. Attends, pardon. Adrien. Mais je lance le truc. Tu as dit pour revenir sur les biopics et t'as rien. Non, je me suis dit peut-être 113, mais je sais pas si. Ah si, si bah oui. Une règle de grammaire qu'on a tous appris par cœur va changer. Non. Eh ouais, les woke là. À votre avis, laquelle? Alors, est-ce que... Pensez aux règles que vous avez apprises. Est-ce que c'est quand t'as dit les... Ah, il pleut. Écoute, c'est ma méta du floodcast. Je dis quand il pleut. Non, quand t'as dit les woke, est-ce que c'était non, en blague non, ou non, rien c'est à voir? Blague, c'est parce que c'est blague. Pas un truc sur genre. Non, c'est juste que la langue française ça. Va changer. Laisse-moi finir. Non, mais tu sais, le féminin de proximité, machin et tout ça. Là. Non, l'accord de proximité, je veux dire, pardon. C'est quoi la grammaire en gros? Déjà, c'est genre COD, tous ces trucs-là. C'est la méta de la langue, quoi. C'est God tier pour moi. L'application du participe passé en fonction dans le verbe avoir? Non. Ouais, est-ce que. Alors, c'est. Moi, alors en fait, pas, c'était depuis 2021, mais c'est Combini qui a lancé, qui a Mais d'où ils changent les règles? Combini va changer la grammaire. Combini, en accord avec la ministère de l'éducation. Non, en fait, ils en parlent aujourd'hui, mais c'est depuis 2021. C'est juste qu'on s'en est pas trop rendu compte. Attends, ils ont fait un article 2-3 ans en retard. C'est ça. Ça a changé depuis 2021. D'accord. Ils sont un peu en retard, Combini. Ouais. Il nous conseille d'écouter Bosch et Jomb. Alors, vous souvenez des règles de quand on était jeune? En mathématiques, il y avait le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. AB carré plus BC carré égal à C carré, évidemment. Voilà. Oh là là. Évidemment. Mais grammaire. Thierry AB carré qui présentait Motus. La loi Carrèze pour les appartements. Évidemment. Parce que deux taillots, retaillot, parce que les chevaliers disaient taillot pour quand ils allaient à l'assaut. Taillot, taillot. Et du coup, retaillot. Parce que c'est la deuxième fois que mais je le fais. T'es cavalier. Voilà, et voilà. Ah, je vous ai j'ai rien. Un petit rire à bout de souffle, mais tout non, de même. Non, mais j'ai raté tout à l'heure, j'étais sur Wikipédia, c'est pour ça. Mais sinon, mais j'aurais adoré dès le premier coup. Mais t'étais là. Une règle. Est-ce que c'est un rapport avec. C'est du niveau primaire collège. Hein. Oui, bon, c'est. Oui. Non, mais grammaire, on n'apprend plus trop la grammaire après. Si et peux me permettre. On aurait bien besoin, mon pote. Mais j'ai rien, moi, en grammaire. Attends, est-ce que ça concerne les verbes? Non. Les adjectifs? Non. Les noms communs? Non. Les COD? Non. Non. Le colonel? Ouais. Non. La pourriture? Ouais. 113. Bien sûr. Ça concerne les conjonctions de coordination. Est-ce que vous vous souvenez des conjonctions? Mais où est donc Ornicard? Ouais. Oh. Ok. On se souvient de cette phrase. Ouais. Mais où est donc Ornicard? Ok. Eh ben, on n'a plus le droit de les dire. Alors si. Mais ça s'appelle plus conjonction. Faudra dire. Mais où est Ornicard? Car donc n'est plus. Plus une conjonction de coordination. Bah. Oh, attends, pourquoi? Ah oui. J'aimerais bien savoir parce que. Ah bah oui. C'est devenu un adverbe au même titre que pourtant et cependant. Ah ouais. Attends, cependant et pourtant c'est des adverbes. Et tout à fait. Eh oui. Oh, eh attends, voilà, là je suis perdu. Mais oui, parce que pour moi un adverbe c'était ça venait c'était comme c'était, les adjectifs des mots régulièrement, quoi. Ouais. Tu vois, ça venait préciser. Non, ça c'est l'adjectif ça. Non, ta gueule. L'adverbe c'est pour moi c'est régulièrement. Il l'a dit, c'est des trucs qui terminent en NT, non? Oui, c'est ça. Pour moi c'était ça, un peu c'est comme l'adverbe. Littéralement, c'est un adverbe par exemple. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que ça venait préciser un peu l'utilisation du verbe, quoi. Genre j'ai marché nonchalamment. Oui, dire, non, ce mais là pourtant nonchalamment c'est pas un adverbe. Oui mais vraiment ça, oui, quoi, vraiment. Ça pourrait... Mais non, c'est juste que Combini va beaucoup trop loin dans ses initiatives. Oula. Combini, de quoi vous mêlez? Moi j'ai l'impression qu'on se plante complètement là. Non je te jure, dès donc est devenu un adverbe au même titre que vraiment, pourtant, cependant. Ils ont mangé trop de sandwich je crois là. Charlie Curie. Et Dino. Charlie et Dino. Non. Charlie Curie. Oh bah non, alors. Oh là. Oh oui. Oh non. Oh j'adore. Oh j'aime voyager. Oh Charlie. Oh Charlie. J'ai que ça comme. Oh Charlie. Charlie. Je sais même pas que Charlie Mitterrand. Oh j'ai des cheveux. Oh comme ça. Oh non. Allez, Dino. Elle a pas arrêté le fil à couper le beurre. Hein. Oh ouais. Oh non. Oh non mais. Ah, elle est tout le temps comme ça. Hein. Ah non. Ça c'est moi, hein. C'est pour la vieillesse des rêves de ce podcast. Il y a la moitié de la Gen Z qui est partie. Eh quoi coubé, hein, ça va, on peut aussi. Putain, c'est vraiment un adverbe pourtant. Ça. j'ai voulu débloquer. Il est sur Adrien Dico. Dico, pardon. Écoutez-moi bien. Dico, je dis plus une vanne bien maintenant. C'est bon. Il y a toujours une lettre de côté, c'est catastrophique. J'ai une question, vous avez tous des Apple Watch là? Oui, autour de la table, c'est vrai. Ouais. Ça c'est ouf. Bah ouais. Ouais, bah si tu faisais plus de chroniques, tu pourrais peut-être t'en payer. Alors. Donc t'étais où à 29 ans? J'aimerais savoir. Charlotte Curie est une youtubeuse gaming américaine connue pour ses vidéos sur Skyrim. Elle vient d'annoncer mettre fin à sa carrière, à votre avis. Pourquoi? Parce et qu'elle... ce n'est pas un truc glauque. Bah est-ce que c'est parce que Skyrim n'est plus mis à jour? Non, c'est pas ça. Ça a un rapport avec Skyrim ? Pas du tout. Elle a... Mais elle est connue pour ça. Et c'est un rapport avec Skyrim ou pas ? Non. C'est un rapport avec le gaming ? Bah... Non, enfin, non, oui, non, non, non, non, non, non. Elle change de, elle change de sujet de fin de, c'est, fin de vidéo. Non. Elle est devenue mormon. Non. Mormone. Non. C'est bien ça. Non, mais tu sais, il y a tout un, il y a une sa trend. Réponse. Non, mais tu sais, il y a une trend de meufs qui deviennent mormones, un peu tradwives et qui disent avant j'étais féministe machin, ouais, ouais, et j'étais malheureuse et maintenant genre je me lave dans une rivière et je suis au paradis. Et je fais du pain moi-même, non, ça, et ça colle. C'était sur légende ça, je crois. Tu confonds. C'est, c'est vraiment. Ça ressemble à du j'en légende. Suis plein, ça me rend zinzin. Ouais. Et il y a une meuf de télé-réalité qui est devenue mormone. J'en Anéa. Suis plein, t'as dit ? Non, je follow ouais, pas. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que c'est un engagement environnemental, genre ? Pas un engagement environnemental, non. Pas, politique ? Pas politique, pas environnemental. Est-ce que c'est un engagement ? Non. Est-ce que c'est à cause du curry ? Non. La pâte qu'on pourrait mettre dans du lait de coco, par non, exemple ? Non, car là, dans ce cas-là, le curry est simplement son dire, nom oui. de famille. Et pas, ouais, pas rien à voir avec la lune. Il s'agit de. C'est un rapport avec Steph Curry ? Non, le basketteur. Ouais. Non, pas du tout. C'est... Ils partagent le même nom de famille, mais c'est le seul point commun qu'ils ont. Est-ce que c'est un rapport avec Nick Curry ? J'ai la ref, j'ai la ref. Est-ce que c'est un rapport avec les fesses et le riz, les petites graines ? Ah, donc c'est un jeu de mots charade, un petit peu. Ouais. Ouais. Moi, j'avais Curry Lingus. Oh, baiser. Mais il est en train de baiser actuellement là. C'est fou ce qui se passe. Elle est trop riche ? Non, elle est pas trop riche. Ça fait 10 ans qu'elle faisait ça. Voilà, ça je peux okay. vous dire. Et si je vous donne son surnom, je vous donne la réponse. Ah, donne son surnom. Ah. Donc c'est. Mais j'imagine en tout cas que ces vidéos c'était du poulet, j'imagine. C'était. Ah, alors. Ouais, bah en c'était. Cas, en tout cas, Amine a dit d'elle. Inox. Oh, Inox. Non, Inox. Non, c'est une dinguerie. Ah putain, j'ai pas. Il voulait casser les émissions. J'ai également étoile. Non, non, vas-y, non. vas-y. Je vous fais étoile. Oh le goat. Oh le goat. Le goat. Oh, putain, c'est bien fait. Let's go. Ça, Marge, tout. Un ah. donut. Au sucre. Ah, bon, allez. C'est rebeu des terres. Que... Mange. Oh, c'est. T'avais prévenu. Non, mais... C'est un très bon épisode. Ou le pas. Pire. Ouais, c'est toujours là comme qui est ça, génial. Mais souvent, et bon, mais ils quoi sont bien ceux-là. C'est-à-dire, je sens que je vais plus être invité, je vais pleurer. Bien sûr que si, tu rigoles. Mais rigole. Au contraire, tu viens de prendre un petit billet à vie là. Et donc, je reviens, c'était effectivement la blague, oui, c'était poulet au curry, c'était ça la blague, hein. Poulet au curry. Oui, mais elle a dit chicken. Mais peut-être, ouais, peut-être tu peux nous dire quel biopic, du coup. Kerry James. Kerry James qui me follow sur Insta, voilà. Allez, je sors déconner. Ça avait donné c'est une story que j'avais fait qui avait donné lieu à. Kerry James qui me follow et une anecdote que je vais raconter tout de suite, enfin, qui m'avait fait rire, c'est-à-dire que j'avais regardé un documentaire sur Kerry James sur YouTube et à un moment on voit Kerry James quand il est enfant parce qu'il a commencé quand il avait genre 12 ans quoi, et donc je prends une photo de ma télé où on voit Kerry James qui est gamin et je tag Kerry James et y a quelqu'un qui m'a répondu un peu limite comme humour. Wow. Non, non, c'est lui. Enfin, c'est vraiment lui. Et du coup. Incroyable. T'as dû adorer ce message. Oh, j'ai adoré, bien sûr. Non, non. Bah, en vrai, ça m'a fait rire parce que c'est vraiment genre tellement à l'affût d'un truc que tu fais. C'est exceptionnel. C'est-à-dire que tu tags quelqu'un quand c'est une photo de lui et il fait. Ça doit être une. Bof, bof. Une mauvaise blague. Comment on la surnomme, à votre avis, cette On la surnomme. Sur Skyrim. Curry Curry. Non. Curry Curry Curry. Ah, ah. Oui. C'est très très bien. Attends. Elle fait. Attends. Ça, son surnom a un rapport avec Skyrim ? Non. Donc attends. En gros, du coup, elle dit je suis trop vieille pour porter ce pseudo ? Tout à fait. Ah, c'est ça. Elle a pris sa retraite, elle a 88 ans. Oh. C'est Mamie Skyrim. Oh. Bah oui. D'accord. Ah, voilà. Okay. Et je tiens à dire. Donc c'est pas du tout ce que j'ai dit. Non. Ce que j'ai dit, elle est trop vieille pour porter ce pseudo. En fait, non, c'est que elle est vieille et du coup elle a pris sa retraite. Je voulais mettre fin à ce jeu. D'accord. Tu l'as senti. Ouais. Mais bien sûr. Attention. Une fois un aspirine. J'ai adoré que tu m'aies fait un truc. Ceci dit, attention. Attention. On parle jeu vidéo et c'était parce qu'autour de la table, quelqu'un a été moqué par le passé. Il s'appelle Adrien Méniel. Parce qu'il aurait mal expliqué Balatro. Et autour de la table, il y a quelqu'un. Oh, j'ai non, mais attention, parce que ça, je vais en parler dans les recos. Donc, donc là, on peut pas dire de. Si, on peut. De quoi que j'ai. T'as fait goûter un peu à une addiction. J'ai été chopé. Attends. On a fait un week-end chez toi, Florent, et j'ai prévenu Axel à l'avant, je lui ai dit, je vais te présenter Balatro et tu vas l'acheter dans la minute. C'est exactement ce qui s'est passé. Il m'envoie des captures d'écran de Balatro en disant, regarde avec ce Joker, machin. Ouais, je lui raconte des parties. Et je me, tout en m'imaginant, je me dis, je suis quasi sûr qu'il en a rien à foutre. Oh, mais... pas du tout, détends-toi. Oh là là. Mon pauvre, je regarde des vidéos de Balatro sur YouTube. Les Français viennent d'élire leur monument préféré de 2024. À votre avis, lequel est-il? L'Arc de Triomphe. Non. Les JO, là. C'est pas où... C'est la friche, là. Vous avez vu les JO. Snoop Dogg, là. C'est le viaduc de Millau. Non. C'est le viaduc de Garabit. Le pont d'Avignon. Pas le pont d'Avignon. C'est sachez le... que en 2023, c'était le château fort de Sedan. Impossible. Ah oui, donc ils disent n'importe quoi, non, d'accord. Mais le number one de France. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah... C'est la forêt de Fontainebleau. En tout cas, ils ont mis la lumière sur Sedan, déjà. C'est bien. Alors celui-là est plus fat, hein. Enfin plus connu, je trouve. Alors est-ce que bon, on va découper. Fort Boyard, pas Fort Boyard. On va découper géographiquement. C'est dans le sud. Ah bah oui. Bah, non mais voilà. Ah ouais, mais voilà. Vous croyez qu'on allait poser quoi comme question? Le type d'architecture? Non mais on est trois cons autour de la table. Attends, quatre. Bah non, quatre. Moi je. Oui, non, je sais pas où se situe le Mans. Toi évidemment. Laissez Axel parler. Je savais pas qu'un sanglier c'était un mammifère, donc évidemment. Je viens de dire la réponse. Eh oui, c'est au Mans. Mais pour autant. Voilà. Oui, les 24 heures du Mans, le circuit. Oui, oui, mais non. Bon, allez. Mais c'est pas un monument. C'est faux. Mais ça c'est le GP Explorer. Ça c'est Explorer. Ça c'est une info combini. Non, le Huffington Post. Je te dis, mon pote. Ah oui, ce qu'ont mis Xavier Niel participa à l'occasion. Ah oui, c'est sur Twitter. Au lieu de Jérôme Niel. Ah ouais, très très fort. Arrête, c'est vrai. Ouais. Oui, ils ont fait un article. Waouh, ça c'est très très ils ont très mis fort. Xavier Niel. Ouais. Et tu sais comment Jérôme l'a su? En tapant son propre nom. C'est Xavier Niel qui lui a envoyé par c'est message. Vrai oui. Oh, c'est drôle. Xavier Niel a du temps libre en ce moment. Oui, bah, il fait l'Olympia. Bah ouais, il a fait l'Olympia. En j'ai disant vu. Comment devenir millionnaire. C'est ça, j'ai vu. Et d'ailleurs, juste, je sais pas qui gère les invites, d'où vous m'avez pas invité, quoi. De l'humour et de la tech, et on se dit pas qu'on va m'inviter. Par sachez contre, que... les trucs de merde d'émissions télé à la con, j'en ai rien à foutre, on m'invite. Sachez que il a dit. Oui, Léonard de Vinci, oui, un autre gars, Einstein, machin. Alors, il des gros QI, mais pas beaucoup de start-up. Voilà. Oui, bah après, peut-être c'était pas que des bangers non plus, mais je serais bien allé le voir quand même. Ah bah, sûr. Il y avait Lena et Squeezie en plus dans le show, dans vidéo et tout. Mais oui, il s'est fait relooker par Lena Situation. Moi, j'ai vu un extrait, c'était un peu marrant. Ouais, c'était marrant. J'ai fait une chronique inter sur dessus. Oui, de ok, bon, c'était tout ça pour ça. Dis-le tout de suite, en fait. Tapez Marie de Brouwer. Zoom zoom zen. Zoom zoom zen. Et vous avez une playlist sur la chaîne YouTube de France Inter. Puis alors, à ton Apple Watch. Mais en fait, j'aime pas trop ça. C'est pour ça. Je sais bien. La mienne n'a pas de batterie, hein, depuis avant-hier. Attends, là elle marche pas. Ah, là elle marche pas, non. Ah, donc ça c'est très très ridicule ça. Alors c'est vrai. Non, mais je m'apprêtais à la recharger et j'ai pas eu le temps. Non, mais enlève-la. Non, mais. Bon. Non, moi j'ai un chargeur si tu veux. Alors attention, on est avec Marie de Brouwer, animatrice de touristes. J'ai des questions tourisme. Ok. Bah oui, Marie, bah oui. La SNCF a durci ses lois concernant les bagages. À votre avis, que va-t-il se passer? Oh non. Ah là, on rigole plus là. C'est sur le rangement des bagages? Pas sur le rangement. La taille? Pas la taille. Le nombre? Le nombre. Aïe aïe aïe, un seul bagage par personne. Alors, c'est pas ça, c'est plus précis. C'est que censé être ça déjà de base. Dans ah les non Wigo, Ah ouais? J'ai une anecdote là-dessus, je peux raconter. Je t'en supplie. Hier, j'ai pris le train. Et je, Raymond je... DeVos là pour l'instant. Je sais pas pourquoi. Mais il est d'accord. Hein, ouais. Je pose mon sac qui est volumineux qui est volumineux et je le pose à ma place et je me barre au wagon bar et je fais tout le voyage au wagon bar. Il y a les contrôleurs qui viennent et ils cherchent Monsieur Malivernet. Donc je fais bah, c'est moi. Ils font vous avez un sac? Je fais ouais. C'est quoi comme marque? Donc là il y avait un quiz apparemment. Je fais Carhartt. Ouais. Il y a vos voisins qui sont un peu inquiets. Peut-être allez les voir pour leur dire que vous êtes bien dans le train et que c'est pas un colis. Moi j'y ai pensé tout de suite. J'avoue, ah bon ouais. Et donc je vais les voir. Je fais. Mais je suis là. Et parano, tout. Bah, non, mais en vrai, il était vraiment volumineux. Et je suis resté et 15 avait, secondes. Il y avait ma grosse horloge. Oh. Mais qui avait plus de batterie. Comme oui, je peux comprendre. Hein, ouais, non, complètement. C'est vraiment, vrai que généralement, les colis suspects et tout ce qui est bombe et tout, ils mettent une petite étiquette avec le nom. Non. En fait, j'ai compris après coup. En fait, eux, ils ont regardé OK place 66. C'est la malive. Alors donc t'as donné la bonne réponse, t'as juste pas donné le bon nombre. C'est deux par personne. Alors en fait c'est comme les avions. C'est trois. Maintenant. C'est-à-dire que c'est un bagage au-dessus là, sous le siège et un rangé dans le porte-truc bagage. Je vais vous donner la réponse. C'est deux. Gros... Je veux dire non, je veux deviner. C'est deux gros bagages et un bagage à main. Ce qui me paraît déjà énorme. C'est énorme. Parce c'est... que moi j'ai toujours un gros bagage et un petit et déjà le gros beaucoup. Bagage c'est compliqué. Ouais, mais ouais. qu'ils aient le courage de mettre les menottes si j'en ai un trop. Franchement, j'ai hâte de voir. Ben moi, il faut surtout te faire payer. Moi, je le souhaite qu'ils le fassent. Mais vous savez que, enfin bon bref, j'allais partir dans un... Vous savez que les fauteuils c'est quand même pas très confortable quand on est gros parce qu'on peut pas trop mettre le truc et tout. En première c'est un kiff. Ah ouais, bah, j'ai voyagé en première pour des petites dates de jouer du stand-up à droite à gauche. J'étais en mode ouais. Genre si j'arrive à un moment de ma carrière où je peux exiger qu'on me mette en première, j'ai tout gagné. Genre moi il m'en faut pas plus. Ce sera après l'Apple Watch je pense. After the Apple Watch. Bref. Bah, parce que moi j'ai pris... Je pense que j'ai dû prendre l'avion 7-8 fois dans ma vie et j'avais toujours pris en écho. Et là, pour Los Angeles où j'écris Evil Dead, ils nous ont payé la business. Oh. Et effectivement, c'est presque terrible de penser à l'écho, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment. L'écho est très inconfortable. C'est-à-dire que la première et la seconde, y a une différence. Mais qui est pas si énorme. Oui, c'est ça, moi, que je comprends pas. Non, normalement, la vraie première, c'est encore plus que business. Il parle du train, là. Je comparais le train et l'avion. Je suis complètement con. Non, je trouve la différence. Je connais mon man. Je trouve que la différence business et éco. Le gap est immense. C'est littéralement deux avions différents. Moi, je comprends pas pourquoi ils font une telle différence. Alors c'est que ça. S'il y a bien un endroit où on devrait plus bénéficier. C'est quand t'as 17 heures de trajet. T'as pas besoin de t'allonger. T'as pas. Enfin, tu vois. C'est fou. De trucs quoi. Il devrait y avoir un truc transitoire. Tu mets un peu. Enfin, tu devrais. Mais il y a. Économiquement, je pense que. Il me semble qu'il y a des avions où il y a. Éco premium. Ouais, voilà. Ça mettait mec, un peu plus de place pour les jambes, quoi. Ouais, c'est pas dingue. C'est scandaleux. C'est pas dingue. De toute façon, faut pas prendre l'avion. Ouais. Parce que de base, dans l'avion, comment on dit la pire classe, enfin la pire. L'éco, voilà. Ouais. T'es déjà plus mal assis qu'en seconde dans un train, quoi. Ah bah oui. Donc, et plus serré. C'est vraiment un enfer. Sur les longs courriers, ça va, hein. L'écho sur les longs courriers, c'est un peu mieux que sur les tout petits vols, les vols européens, etc. J'avoue, j'ai jamais pris sur les petits trucs, mais sur les longs courriers, moi je trouve ça fou. Déjà, le fait que ce soit dérangé 3 me rend fou. Ah, ça, c'est... Parce que t'as forcément un immense perdant dans cette histoire. Dérangé 2, tu peux mettre ta jambe un peu à gauche, à droite. Message pour ceux qui sont au milieu, foutez les coudes sur les deux accoudoirs. Les autres, oui. C'est bon. Ils ont l'espace. Ils ont les jambes. Mettez et tout. Vos putains de coudes. Vous avez au moins le droit à ça. Ouais, ouais. Allez-y. Franchement. Mais je trouve que même sur les longs courriers, t'es quand même moins bien assis en écho que en seconde dans un train. Et moi, Sébastien Vanitschek, quand on est à côté au cinéma, prend l'autre accoudoir, tu prends trop de place. Voilà, je voulais le dire. Non, mais c'est placé. Moi, je peux vous dire que j'ai déjà pleuré dans les transports parce que je suis grosse, mais j'arrive quand même à être dans les transports, ce qui n'est pas le cas de toutes les personnes grosses. Ouais, et j'ai déjà pleuré de. En fait, quand la personne. Comme je suis plus large que la moyenne, quand la personne. Oh là, je suis loin du micro. Mais ses coudes, en fait, son coude me touche. Le bide et je suis vraiment en mode. Ah, là, genre, en plus, moi, je suis oppressé en deux secondes, je suis en mode. Là, il faut que je passe tout le trajet avec un petit coude dans le bidou. Non. Genre, laissez vos coudes à vous-même. Ouais, mais bien sûr. Mais c'est vous que les gens qui sont. Ça, c'est non, mais juste chose... ne touchez pas les gens, ouais, même avec ça. Beaucoup d'enfants. Je pense qu'ils se rendent même pas compte. Genre, je suis un petit coussin. Ouais, je sais pas. Tu sens quand tu. Je pense. Est-ce que. Ouais. Est-ce qu'il y a pas des gens plus à l'aise que d'autres de genre. Moi, je pense que ça les fait chier d'être à côté d'un gros et hop là. Eux, ils méritent un petit coude dans le nez. Allez, hop. Mais cela dit, moi, dans le métro, tu sens des gens plus à l'aise que d'autres sur le contact, par exemple. Ah bah oui. Quand c'est un peu blindé. Je parle pas des frotteurs, voilà. Hein, je le dis au cas où. Mais c'est quand c'est bien blindé, moi je sais que je suis toujours genre, faut que je touche personne. Et des fois, il y a des gens qui sont vraiment. La dernière ils sont fois, posés sur. Ah, mais il y a un gars. Déjà, juste les gens, quand c'est blindé. Bon, déjà, quoi qu'il arrive, vous adossez pas sur la barre du milieu. Hier, j'ai mis un petit coup de poing dans le dos d'un mec. Est-ce que t'as glissé tes doigts dans son dos? Alors, non, l'inverse. Moi, je me tenais et il s'est adossé. Ah non, mais quel malade. Et donc, du coup, après, j'ai mis mon truc avec les phalanges bien saillantes. Ça n'a pas suffi. Et donc, j'ai fait plum bang. Et après, il s'est redressé. Oui, quoi. Ça, c'est. Non, ça, c'est mon Adri. Ça me rend fou. Adri, bon, après, on est là peut-être au max de ma courage. De la violence. Parce que s'il avait dit quoi, j'aurais fait non, mais quoi, ah, pardon, non, mais ça a freiné, ça a freiné, ça je vous ai touché, pardon, ça a commencé. Vous aurez la ref. Chaque jour, je repense à ce truc de Finkielkraut. C'est pour expliquer aux gens, c'était Finkielkraut chez Pascal Pro. Mais je peux, vas-y, je peux le dire en gros, mais tu l'as la ref. Mais je m'en souviens plus. Je crois que je l'ai. Okay. Mais je en gros, c'est. En gros, il y a Pascal Pro donc dans son émission, il interview Finkielkraut. Et il lui pose une question, je crois que c'est sur Mats 9 ou un truc comme ça. Je sais plus. Et Finkielkraut il fait je vais vous répondre, vous allez voir. Je vais vous répondre. Et là il y a un silence. Et il dit rien et tout. Il fait non, mais qu'est-ce que vous en dites? Puis il fait. Et il parle pas. Ouais. Il lui dit Pascal Pro est décontenancé. Pascal Pro il fait bah enfin faut me répondre. Et puis quand tu fais ah ça a commencé, l'émission a commencé, ah pardon j'avais pas compris. Et donc pour moi c'est un des plus grands moments de télé ever quoi, de m'imaginer ce qu'il y avait dans sa tête. C'est à dire que j'imagine que Pascal Pro il a dit bon bah bienvenue dans l'émission, là, là. Il lui, a parlé à la caméra et tout, et lui il était en train genre de dissocier derrière. Mais même dans la tête de Pascal Pro, ça a dû... qu'est-ce qui s'est passé ouais, à ce moment-là, genre, enfin... qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui me fait répond pas, qu'est-ce en train de... c'est un super perso de téloche normalement. Qu'est-ce qu'il nous fout là, c'est un bon client. Mais j'avoue que moi c'est un peu un truc que j'aime bien, c'est Pascal Pro. Pas Pascal Pro, non, mais Pascal Pro qui est décontenancé. Ah il y a ouais, un mec là, qui a fait une déclaration immonde sur Lucie Castet où il dit, ouais. Il a dit qu'elle était sexuellement incorrecte ou un truc comme ça. Bon. Et Pascal Pro. Et Pascal Pro, il a fait attendez, quoi ? De quoi ? comment Et je sais pas, le Pascal Pro décontenancé, c'est pas souvent quoi. Et donc ouais. Quand tu le vois, c'est un peu comme une étoile filante quoi. Et Christian Clavier qui se fout de ça. C'était génial. Une vidéo très agréable aussi. Il fait oui, non, mais vous n'êtes pas, pas journaliste. Arrêtez, vous êtes un commentateur. À la base, vous êtes cuistot. Ouais, commentateur de football, et puis voilà, maintenant vous faites ça. Bon, c'est pas. Voilà. Ah, tu mets pas mal aussi, hein. Ouais, bah, voilà. Vous avez quelque chose quand même. Vous avez votre monde à vous, quoi. que vous avez créé. Vous noterez que je suis le seul à avoir fait zéro imitation durant ce. Et pourtant, t'en as. Et pourtant, Dieu sait que t'en as. Bah, t'as. Oui, t'as fauve. Mais c'est que ses talents. Il a fauve. J'ai fauve. En fait, il faut savoir qu'Axel a la voix de fauve. Je suis fauve. Le groupe fauve. Vous vous souvenez du groupe fauve? Bah, bien sûr. Non, il a votre fauve auto. Ouais, t'as dit vive le vent. Ça, c'est Noël. C'est une chanson de Noël, hein, Marie. Vive le vent. Le Mistral. Vive le vent. Vive le vent d'hiver, en fait. C'est quel vent dont il parle dans fauve? C'était. Le blizzard. Le blizzard. Blizzard. Tu nous entends, le blizzard. Astuce pour. Voilà, si la personne que vous datez vous ghost ou vous répond pas à vos messages ou quoi, envoyez une page Wikipédia de vent. Donc le Mistral, la Tramontane. Le blizzard. Les petits conseils drague de Marie. Et comme ça ils font ouais, donc... bon, je le bloque directement. c'est ça qui est marrant. Au moins tu finis sur une bonne vanne quoi. Ouais ouais. Pas mal. Alors une dernière question, toujours dans le monde de la SNCF, une nouvelle règle encore de la SNCF. Ils n'arrêtent pas. C'est Koh-Lanta. C'est comme la grammaire. Ils ah. En ce qui concerne les sièges, c'est un mème hein, qu'elle vient de nous faire. Ah ouais, ouais. J'ai cru entendre un mème. Effectivement. Tendez l'oreille, vous entendrez un mème. Ouais, ouais. On va nouvelle... tous en faire un avant nouvelle la fin de l'émission. Tous un mème. En ce qui concerne les sièges des trains et des TGV de la SNCF, donc on parle pas de bagages, on parle ouais, des sièges. Il y a un nouveau. Alors, ils n'ont pas bougé les sièges, mais c'est une règle concernant les sièges, donc c'est pas laisser son sac à dos comme, ouais, fait, comme Axel, un idiot. Axel le terroriste. Une nouvelle règle concernant les sièges. Ouais. T'as pas le droit de changer de place du tout, sinon vraiment ils pètent un câble, genre. Ah, alors, ce n'est pas ça. Non. Non, mais c'est pas ça. Je rappelle, j'en ai déjà parlé dans un floodcast, bravo à la Suisse. Qui met au-dessus du siège jusqu'à Caen et pris le siège. Ah oh, putain, quel bonheur. Et même j'ai pris un train en Italie. Même là, il y avait au moins lumière verte et rouge pour savoir si c'était pris ou pas. Mais là, le même là, genre, imaginez-vous chez les Italiens qui, quand même, sur la route, sont très mauvais. Hein, je dirais, à chaque bande d'arrêt d'urgence, il y a des gens qui sont arrêtés. Qui, en plus de ça, ont une première ministre d'extrême droite. Je tiens à le rappeler. Mais est-ce que je peux nuancer coup de gueule, ouais. Non, toi c'est un truc positif. Ouais, tu dis un coup de cœur. Ils mettent de plus en plus compliqué d'ouvrir des portes. Ils mettent de l'électronique partout dans les trains. Ouais, ouais. Les serrures pour les toilettes. Un simple bouton. Ouais, non, c'est des boutons électroniques. Pourquoi mettre de l'électricité dans un truc qui marchait très bien sans consommer d'énergie? Je vois ce qu'il veut dire. Je vois très bien ce qu'il veut dire. Est-ce qu'il y a pas un truc de personnes à mobilité réduite qui peuvent pas ouvrir les portes? Auquel cas, j'annule. Instantanément. Peut-être que c'est ça, je sais pas. Non, c'est possible. Possible. Bon, bref, les putains de sièges là. Prenez en finisse. Bah, je vais vous le dire. J'adore les trains. Tu sais que je me rends compte de. Est-ce que t'adores les voyages en train comme Grand Corps Malade? C'est une chanson de Grand ouais, Corps je Malade. Sais, ouais, mais je. Bah. Ouais. Franchement, ouais. Vous avez en tous les cas, tous les deux, la passion de Charles Aznavour. Non, c'est un peu douloureux parce que ils m'ont pas appelé. Donné le rôle. Ils ont préféré Tahar Rahim à Adrien Méniel pour faire un amour dans le biopic. Je ne comprends pas. Dégueulasse. Et écoute, mais c'est parce que moi je vais réussir dans la chanson, je peux te le dire. Bon, voilà, c'était. C'est Mitterrand. Non, rien à voir. Mais par petite goutte, en fait. Ça par petite touche. Ouais. Est-ce qu'il y a Mitterrand dans le film sur. Monsieur Aznavour. Oui, la bohème. Ça voulait dire on est heureux, me semble-t-il. Marie déteste ses imitations. Elle a regardé son tel. Et 16h11. Non, mais les sièges de trucs là. Sièges de bagnole, ouais. Je sais pas, ils sont plus dans la même matière. Non. On va arrêter ce podcast. Non, on arrive à la fin. C'est une question sur la manière de. C'est une règle qui oblige le voyageur à faire quelque chose vis-à-vis de son siège. De nettoyer ses merdes en partant, non? Bon, non, ça t'inquiète pas, tu peux les laisser traîner. Oui, oui, mais justement, ça m'en fout. Bah, oui, les gens qui laissent leur merde sous prétexte qu'il y a des gens. Bon, bref. Mais d'ailleurs, l'avion, c'est fou. Parce que ça fait lever les yeux. Déjà, en revanche, la femme. Des reines pour moi. Donc, tu vois pas, je vois pas à quoi tu fais référence. Ce sont des reines à mes yeux. Je crois que c'est ça. Là. Si je dois être totalement transparent, j'ai arrêté de chercher il y a 5 minutes. Moi, je n'écoute plus abandonné. Rien d'émission. De quoi on parle? Moi, je me réveille quand il y a une imitation d'Adrien, mais sinon, j'ai arrêté. Non, mais je vois que je vais pas y arriver. Quoi. Je vais pas trouver. Bien sûr, on n'arrête pas de faire des détours. C'est ça qui est bien. D'ailleurs, je fais des détours. Le biopic. Non. C'est une chanson, mais je sais pas. La nouvelle règle de la SNCF oblige à occuper son siège dans les 15 minutes après le départ. Sinon, le siège peut être occupé par un autre voyageur. Oui! Mais non, mais ils veulent que les gens se battent dans Peut-être, ça fait des bons TikTok. Hein. Ah, mais c'est justement pour quand ils surremplissent les wagons. Je pense qu'ils veulent que les gens. Non, mais ça, c'est fou, ça. Ouais. Donc... Parce que le nombre de personnes. Parce que des fois, t'es voiture 2. Voiture 2, elle est à l'autre bout du quai. Et le train, il est grand. Donc du coup, t'es obligé de rentrer dans la voiture 6 et puis tu traverses le train. Tu mets pas 15 minutes quand même pour. Tu mets bien. 2 minutes maximum. Je prends des très grands trains. Ouais. J'ai hâte de voir le contrôleur qui va me dire désolé, vous avez payé votre billet pour être à cette place, mais vous n'étiez pas assis, donc c'est après, plus à vous. Si je peux me permettre, tu vas rien faire, Axel. C'est totalement vrai. Cela dit, Axel, il a pris son billet la dernière fois dans le train. Il a grugé, je rappelle. J'ai grugé, non. T'as pas grugé ? Ah, t'as payé à l'intérieur ? Ouais, complètement, bien sûr. C'était avec moi, moi aussi. J'ai dit, je veux acheter un billet à bord. Hop, il était moins cher que sur internet. Ah putain, mais vous m'avez appris qu'on pouvait acheter des billets. En fait, le premier passage que font les contrôleurs, c'est pour ça. Si t'as pas de billet, que tu vas aller voir au premier passage, il y a pas de galère. Et si c'est au deuxième passage et que tu dis je veux acheter un billet, non, c'était tout à l'heure, gars. Chers amis, ça fait 6h24 qu'on parle. Je vais vous proposer de faire les recommandations culturelles. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez appréciées? Peut-être un film, peut-être une série, peut-être un livre, peut-être une BD, peut-être une pièce de théâtre, un humoriste, peut-être même un documentaire sur un DJ français qui nous a tragiquement quitté jeune. Écoute. Adrien. Alors déjà, je vais faire un préambule. C'est mon troisième truc du coup que je voulais. Bien sûr. Alors, il y a une petite tendance là dans mes DM en ce moment. Pas énorme, mais j'aime autant étouffer cette tendance dans l'œuf. De gens qui me disent, si t'as besoin d'une reco pour le podcast. Et souvent, ils envoient après leur truc à eux qu'ils font. Arrêtez ça. Voilà, tout simplement. Je l'ai vu un peu. J'ai pas besoin. Ça fait de la pub. Ça fait 10 ans que je fais le floodcast. J'ai pas besoin. J'ai pas de mal à trouver des trucs. Donc arrêtez, c'est pour faire de la pub. Voilà. Donc tout simplement. Ça c'est dit. Ça ne sert à rien. J'ai un esprit de contradiction. Je n'irai même pas voir votre truc. Ça se trouve, je passe à côté de trucs géniaux. Mais j'adore que, parce que je suis un idiot. Malgré tout ce que tu fais comme genre de mise au point comme ça, que les gens continuent de t'envoyer des DM me fascine. Alors pas ça, tout. Mais c'est un deuxième truc, c'est que moi quand je dis, mais ça, on pourrait l'analyser de façon très sérieuse. Oui. C'est que quand je dis, s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer ça parce que ça me saoule. Les gens disent, oh ouais, mais là, tu cherches. Non, je demande aux gens d'arrêter. C'est vraiment bizarre de quand tu demandes d'arrêter de dire ouais mais là tu cherches. Je demande sincèrement d'arrêter. Après si vous dans votre tête ça veut dire je vais le faire de voix plus. Mais je pense qu'ils pensent être les seuls à le faire. Soyez pas étonnés d'être bloqués. Voilà, mais je trouve qu'il y a. Ah, moi je bloque là. À la moindre occasion. Parfois je vois bien que c'est une blague. Je bloque quand même. Parce que ça m'énerve. Moi j'ai bloqué des gens juste parce qu'ils m'ont dit que j'avais pris un coup de soleil. Non mais. Parce qu'en fait, dès que je suis rouge, c'est. Bah alors, on a oublié sa bière fine ou quoi la crème solaire. Ouais. Je suis là. Oui. Je suis rouge depuis ma naissance. Oui. Allez, hop, bloqué. Non, mais moi, je suis d'accord. Et je suis très bien comme ça. Il n'y a pas besoin d'avoir une vraie raison pour bloquer les gens qui ont cette histoire. Et en plus, moi, il y a aussi. C'est ce qu'on veut de son compte quand même. Ça dépend de l'heure de la journée. Je lis le message. Le matin, attention, je peux bloquer très très vite. Pas grand chose. Donc, oui, effectivement. Le documentaire sur DJ Mehdi, pas original, tout le monde en parle, mais voilà pour les quelques personnes qu'on n'aura pas entendu parler ou qui ont besoin du petit coup de pouce pour enfin se décider c'est à regarder. C'est vraiment, c'est trop bien, c'est génial, c'est franchement bon. Après moi, étant quadragénaire, amateur de rap et tout, évidemment il y a toute une partie qui me touche peut-être plus que des les plus jeunots, mais en vrai, je trouve qu'il y a de toute façon un truc fascinant. Enfin, il a commencé à faire des prods dans sa chambre. Il avait 12 ans. et de voir enfin en fait c'est même si on n'aime pas le rap, même si on s'en fout de la musique et tout, il y a toujours un truc fascinant à voir des gens passionnés faire ce qu'ils aiment et faire ce pour quoi ils sont bons. Les gens passionnés sont passionnants. Exactement. Voilà. Et donc en plus c'est plein de, enfin c'est, il y a plein d'anecdotes de l'époque, de trucs, de témoignages, comme on disait tout à l'heure, tous les témoignages avec les gars du 113 qui sont trop marrants et trop plaisants. Un festival de punchline de la part des gars du 113. Vraiment. Voilà, et en plus je le trouve hyper touchant, enfin je le trouve hyper émouvant à plein d'endroits et à plein d'égards. Voilà, c'est et il y a un côté très aussi inspirant, motivant, mais pas inspirant, motivant genre un peu pas formaté à un discours. Oui, voilà, en fait c'est joli, juste moi. Montrer quelqu'un faire son truc. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses autour de ça. Ça sera inspirant, ça sera motivant pour les personnes qui s'y retrouveront. Et voilà, c'est trop bien, vraiment. J'ai tout regardé d'une traite. C'est trop bien. Voilà, c'est ma reco. Si je peux mettre de l'eau à ton moulin. Bien sûr, bon, attends, tu rigoles. Non, je me permets. Titre. Oh, sympa. C'est que moi, je n'écoutais pas de rap urbain dans les années 90. Ouais. Et je n'écoutais pas spécialement de dance au début des années 2000. Donc, moi, j'avais vraiment très peu de refs. J'avais le 113 et j'avais Daft Punk, tu vois. Mais ouais, j'avais pas les trucs Ideal G, je connaissais pas, par exemple. Okay, tu vois, je découvrais tout ça. Et j'ai adoré. Voilà. Donc, c'est vraiment la preuve. J'imagine que ça rajoute qu'il y a une touche, j'imagine, quand t'as grandi dans ça. Une touche qu'on pourrait appeler la touche nostalgie. Tout à fait. Mais voilà, je trouve qu'effectivement, je pense que c'est vachement intéressant, même si tu n'y connais. Non, mais en plus, je trouve qu'il y a un vrai truc de. Il y a un vrai truc jouissif à découvrir un gars de l'ombre qui a été aussi influent, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un peu un truc vraiment fascinant de se dire, ah oui, donc en fait, c'est ce gars. Tu vois, genre par exemple, l'album du 113, Les Princes de la Ville, je pense qu'il y a plein de gens qui le connaissent, mais qui savaient pas forcément que c'est DJ Mehdi qui avait fait toute la prod. Et de voir à quel point il a été influent alors qu'il est resté plus ou moins un mec de l'ombre, je trouve ça assez fascinant, même si. Bref, voilà. Et deuxième, très rapide. Recommandation. Tout à l'heure. Balatro est sorti sur mobile, sur iOS et tout ça. Mais non. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait sur le chemin en venant? Je me suis fait un petit balatro dans le métro. Voilà, tout simplement. Ah bah la métro. Et d'ailleurs, voilà, deuxième truc, la blague. Dès que je parle de balatro, tu peux me l'expliquer le jeu? Oui, c'est bon. Là, elle est faite la blague. C'est bon. Voilà, on a compris. Pourquoi il dit ça, Jean? C'est parce qu'en gros, il a failli partir d'un coup. Quand j'ai recommandé Balatro dans le Floodcast, j'ai fait une explication catastrophique. Okay. Mais comme tu peux imaginer, parce que le jeu est très complexe et que je n'avais pas préparé, c'était assez catastrophique et extrêmement long et incompréhensible. Donc, du coup, la blague est de se foutre de ma gueule. Voilà, j'ai fait un faux pas en 10 ans. Et voilà, les vautours là. Ouais, la cancel culture en fait. Écoute, moi, tu m'as très bien expliqué et j'ai adoré. Parce que je t'ai mis le jeu sous le nez et je t'ai montré. Vrai. C'est beaucoup plus simple. Voilà, cette blague a été faite. Voilà, j'ai bien ri. Pas une seule seconde, oh là là. Mais voilà, elle est faite, la blague. J'ai une reco qui est pas une reco culturelle et j'ai une petite reco. Bon, vous verrez. T'es chez toi, Marie. Je suis chez moi, à la maison. T'es chez toi. Je. Shout out. Non, c'est pas ça. une reco de vie, traîner avec des chiens. Et je parle de l'animal. Oui, bien sûr. Car. J'ai maintenant la bague au doigt. Elle s'étouffe dès qu'elle en parle. Mais oui. Et mon mari a un chien. Oh, elle donne un indice à chaque fois qu'elle fait un peu de promo, celle-ci. C'est Squeezie. Squeezie boy. C'est Squeezie boy. Ou Inox. ça tombe à pic parce que voilà, j'y connais rien moi en chien. Je suis pas, je suis chat. Voilà, je suis team chat. T'es team mais chat. J'aime, moi, je suis team bestiole. Bah oui, bien sûr. J'adore les bestioles, j'adore les animaux, c'est super. Et c'est super les chiens. Ouais, bien sûr. Mais bien est-ce que genre adopter un chien, c'est quand même un engagement très important. Bien sûr. Et donc il faut pas faire de bêtises. Et donc si vous avez des amis qui éduquent bien leurs chiens, qui ont leurs petits chiens, qui leur donnent plein d'amour, et que du coup vous êtes amis avec eux ou amoureux, comme c'est mon cas, bah du coup vous pouvez traîner avec des chiens. Ça tue. Alors voilà. Ça c'est trop bien. Je suis d'accord, moi, personne ne va dire le contraire autour de cette table, je pense. Mon premier amour avait un chien et la séparation était dure en partie à cause du chien. J'y pense souvent. Tu penses déjà? Ah, mais je suis vraiment en mode. Ah ouais, donc si ça se termine, je verrai plus. Exactement. Bon, c'est pas grave, il y a d'autres chiens dans l'univers. Du coup, j'ai fait un gosse à l'actuel. Comme ça. C'est plus simple, mais voilà. Et sinon, pour les gens qui aiment bien regarder ce que j'appelle des grosses daubes. Donc des films. Ça commence bien. Il y a le gouvernement. Oh non. Barnier, personnalité préférée des Français. Aïe aïe aïe aïe. Politique tout de même. Politique. Ouais. Quand même. Goldman reste devant. Ouais. Mais non, moi j'aime bien regarder des films qui sont pas bons parce que voilà, j'ai un petit goût de hate watch. Donc en fait, je vais regarder des films par curiosité. Tiens, c'est sorti. Et puis là, belle surprise, c'est mauvais. Ah. Et moi donc, je suis un peu contente. Le roi en VOD. Attends, Marie, attention, Marie. Non, non, mais non, beaucoup plus. Ouais. Encore plus nul que ça. Ah là, je vois pas. Non, il y a. Non, mais il y a un film qui est sorti sur Netflix qui s'appelle Uglies. Et il paraît. C'est une catastrophe. Je connais aucun des noms des gens qui travaillent dedans, mais il doit y avoir des gens connus, hein. Je crois que le mec, il est connu, mais j'ai trouvé ça tellement raté. C'est adapté d'un livre. D'accord. Donc je suis assez curieuse de me demander si le pitch du livre est quand même un peu plus élaboré, mais je pense que oui, parce que le premier film, Uglies, a l'air d'être le tome 1, genre chapitre 1. Ouais, ok. Okay, d'accord. Il va y avoir d'autres, une suite, j'espère. Sinon, la fin est horrible, quoi. Et c'est un monde futuriste. Attends, c'est une dystopie, rassure-moi. Mais évidemment. Ah voilà. C'est okay. Qu'à mes yeux, c'est une chose. Non, mais ok, ok, voilà. Ok. C'est trop drôle. Le principe, c'est que à genre 18 ans, tu fais une opération de chirurgie. D'accord. Et tu passes de moche à beau. Donc t'as les uglies et les pretties. Ah. Et ils ne vivent pas ensemble. Okay. Les uglies vivent dans des espèces de trucs sombres et noirs et dégueulasses versus les pretties qui vivent dans, qui font les la loft, fête toute la journée, ouais. Et qui sont magnifiques et qui, c'est vraiment, c'est hilarant je ris de là maintenant de ce pitch. Alors spoiler, il y a le droit de spoiler. Oui, un peu. Merde, pareil. Oui. Spoiler, bouchez vos oreilles si vraiment vous voulez pas être spoilé. En fait, l'opération des pretties, ça les rend un peu neuneux. Ils se font en fait mettre une puce dans le cerveau qui fait que du coup, ils sont bien des bons petits soldats de la société. Là, c'est mes tout. Yeux, c'est... Mes yeux sont ouverts là. Hein. Il va y avoir des rebelles à un moment aussi. Ah oui, bah, j'imagine. Et sachez qu'ils appellent les gens de notre monde à nous les cendres ou je sais plus, mais genre il y a un autre mot. Ah oui, Les hashis ou je sais plus quoi. Ouais. Parce que nous on est des grosses marques qui vont brûler la planète. Bien. J'ai la critique, j'ai une critique de la série. Faute d'âme, de personnalité ou d'un soupçon de profondeur, Uglies ne peut même pas revendiquer sa beauté intérieure pour compenser son insigne laideur plastique. Waouh. Wow, il a remis l'Uglies au milieu du village. Ouais. Et petite, si vous c'est le matez, si vous le matez, petite astuce, fermez bien vos volets et vos lumières, car c'est très sombre. Donc tu plisses les yeux. Ça c'est une nouvelle tendance qui m'énerve ça dans les non mais les séries télé où c'est très très sombre et si tu regardes en journée tu vois rien. C'est comme les manèges à Disneyland, hein. Arrêtez, mettez un peu de lumière. Voilà. Merci à tous. Ça moi, coûte pas plus cher, mettez un peu de lumière. Écoutez, vu qu'on parle d'alpinisme quand même depuis quelques semaines, en mode shonen. Il a pas fait sa recours. Bah, je vais le mettre après moi. Okay. Je... Ah d'accord, ok. Non mais tu vois, y a pas d'ordre, Adrien. Ah pardon. Cliffhanger. Bah on n'est pas si loin. Parce c'est Free Solo que j'ai envie de partager avec vous. Petite anecdote, moi au début je pensais que c'était un mot italien, c'était Free Solo. En fait, ça nous a fait quelques réus sur Groom saison 2. Toutes les réus. Je pensais que c'était F-R-I-2-S-O-L-O. Free Solo. Qui pour le coup est juste une petite entrée, un petit peu tu prends pas Free Solo. On dit Free Soli hein, d'ailleurs. Mais pareil, le héros est fou, pareil. Il dit non, je vais manger tous les Free Solo là. Fini Free Soli. Les Free Bruno Solo. Ah oui. Donc Free Solo, moi je l'avais jamais vu. Et c'est un super documentaire sur. Donc qu'est-ce que c'est le Free Solo comme bah, c'est ce que dit Chewbacca quand Han Solo il est dans le truc là, prisonnier là. Dans le truc Free là. Solo. Dans le truc là, prisonnier. Tu sais. Oui, oui. Tu vois. Bien sûr. Star Wars. Ouais, un truc là. Nick Fury. Ouais, Nick Fury. Ouais. Donc qu'est-ce que c'est Free Solo. C'est une blague de geek. Ouais. Que je fais. Souvent. C'est escalader. Pas une montagne, mais en gros des énormes parois. Des énormes parois aux États-Unis. Vous voyez ça, c'est une grande rocheuse. Voilà. Sans la moindre aide, sans la moindre corde, sans le moindre mousqueton, à la seule force des jambes et des mains. C'est terrifiant. Ouais. Ça pose énormément de questions sur le rapport à la mort, comme vous imaginez, et tout et tout. C'est le sujet du documentaire. Voilà, c'est pas un documentaire qui commence avec lui en bas et qui termine avec lui là-haut. Ça parle vraiment de. son entraînement, sa vie, parce qu'aussi le truc c'est qu'il a toujours été que sur l'escalade, et là il est tombé amoureux d'une meuf, donc qu'est-ce que ça change aussi, parce que d'un coup bah t'es plus seul dans ta vie quoi, c'est, tu dois quelque chose un peu à quelqu'un si tu risques ta vie dans oui, ta passion. Oui, parce que tous tes amis qui seraient tristes que tu meurs, alors, c'est pas grave. Alors je te rassure, quand tu vois le gars, très peu d'amis, tous font ça. Ouais, ouais, voilà. Non, il a, en fait, c'est et ça. Et qui meurt au coup de goutte ou pas? Mais c'est ça, mais ah, complètement, oui. complètement, c'est dans le documentaire. Enfin, c'est, tu vois la personne mourir, mais ça, ça fait partie un peu du sujet. Free Solo, c'est pas genre, ah, j'ai trop envie qu'il réussisse ce mec, c'est même pas le sujet, en fait. C'est, le sujet, c'est comment un gars a une espèce de, c'est une passion, mais c'est même un truc qui l'obsède, quoi, et comment il va au bout de ça, et comment il arrive à se démerder avec ça. Et au final, moi, je trouve qu'il est attachant à la fin, parce que il y a des choses qui se dégagent de chez lui, etc., etc. Mais pas attaché, parce que c'est interdit dans le Free Solo. C'est tout à fait vrai. Mais il est attachant. Il est attachant. Cela dit, il est attachant. C'est vraiment, c'est vraiment mon rapport au personnage pendant tout le truc. Et évidemment, ça rend les mains moites, parce qu'on voit quand même l'escalade du truc. Et je vous rappelle qu'il n'est attachant. Et puis en plus, c'est vachement bien parce qu'il t'explique vraiment très précisément les trucs très difficiles de son escalade. Okay. Et donc quand tu vois que ça arrive, t'as vraiment un truc comme dans un film de oh putain, ok c'est là, ok ouais. C'est là. Et voilà, c'est super impressionnant. Tu vois toutes les fois où il rate avec la corde, et donc là il le fait sans la corde, parce qu'évidemment quand il s'entraîne quand même avec la corde. Bref, c'est vachement bien. Free Solo, c'est sur Disney+. Donc si vous voulez mater ça, ça dure 1h40 je crois. Donc n'hésitez pas à aller checker. Et ils ont eu l'Oscar du meilleur documentaire et tout. Hein. C'est pour vous dire que c'est pas de la merde de ce que dont on parle. Par contre, Disney+, c'est quand même devenu récemment un enfer. Ah ouais, c'est terrible. Parce que moi, déjà, j'avais l'abonnement. Bah, ouais. C'est ça, c'est que moi, j'avais l'abonnement avec MyCanal. Et après, ils ont dit, en fait, l'abonnement MyCanal, maintenant, c'est avec des pubs. Donc, du coup, j'ai des pubs. Mais pour se désabonner, c'est complètement hyper compliqué. Voilà, je peux pousser un coup de gueule. Tu devrais faire un tweet et @SNCF. Du coup, je me suis maté The Bear avec des pubs. Alors que j'aurais été ravi de payer, mais je n'ai pas réussi, quoi. Dur. Ouais. Franchement, je me dégoûte dans cet épisode. Je trouve nul quoi. Vraiment. Axel Balivernet. Marocco, c'est la saison 2 de The Jinx. Ok. Alors, j'ai constaté, parce que j'en ai parlé à Adrien tout à l'heure, qui m'avait lui-même recommandé la saison 1 à l'époque. Et là, on en revient toujours à moi. Et oui, mais c'est mon. C'est, il fait des pas et je suis ses pas dans la neige en fait. Bah, je suis ton Sherpa. Bah, voilà. Il va t'offrir un petit maillot. Non, mais donc, ceux qui ont vu la saison 1, bah, la saison 2 est dispo. Et j'ai vu d'autres gens ne pas le voir passer, pas voir passer cette info. Ouais, et ceux qui n'ont même pas vu la saison 1, c'est génial. Ah oui, la saison 1, c'est marrant. Alors, c'est ce que je disais à Axel hors antenne. C'est que il y a une. Alors que je savais pas qu'il y avait la saison 2. Maintenant, là, quand c'est l'antenne, c'est l'antenne. y a une. Alors que je savais pas qu'il y avait une saison 2. Il y a genre une semaine, je me suis dit putain, faudrait que je recommande The Jinx dans le podcast. Que j'avais déjà fait peut-être d'ailleurs, mais peu importe. Et bah, du coup, je le recommande, la saison 1, qui est un des meilleurs, une des meilleures séries documentaires true crime que j'ai vu. Oui, parce que pour dire aux gens, c'était, ça suivait le milliardaire, non, peut-être pas milliardaire, millionnaire Robert Durst. Ouais. Qui avait été accusé de Limp Bizkit, entre autres, et qui avait été accusé de meurtre. Et en gros, le documentaire voilà, nous explique est-ce que oui, est-ce que non, etc. Ouais, est-ce que merde. Là, comme ça, ça paraît pas, mais c'est aussi parce qu'on veut pas raconter l'intérieur. Bien sûr. Il est unique, pour plein de raisons dans ce documentaire. C'est la seule fois où, et j'en ai maté beaucoup des trucs de true crime, où j'avais vraiment une boule au ventre de tellement le mec est glaçant et horrible. Ah, c'est un perso. Il a son petit univers. Attention. Hein, il a un petit univers. Et juste, ne vous arrêtez pas. Au réalisateur qui intervient dans le documentaire, il a des rouflaquettes, mais il est super. Bon, bah vachement bien. Et donc, la saison 2, ça parle de. Tu peux dire un peu de quoi ça parle? Parce que c'est dur sans spoiler la une. C'est les conséquences de la saison 1, en gros, qui a été diffusée. Ah, j'aime bien quand ils font ça. Et post-diffusion, moi j'ai vu passer des articles. J'ai vu passer des articles, etc. Et ça devient méta. Un peu. Attends, dans quoi? Ah, bah il y avait aussi The Staircase, où la série The Staircase. Filmait la série documentaire The Staircase, l'intégrer à la narration, c'était trop bien. C'est vachement bien. Donc tu dirais que c'est ok tier, S tier. C'est top tier, franchement. Non, okay. C'est God tier. Non, je suis encore en cours de visionnage, mais j'ai vu 2 épisodes, c'est très bien. Mortel. Okay. Et c'est sur quoi? Sur ma télé, je regarde. Je sais pas. Non, mais la question, ça va. La question, c'est où est ta télé? Dans le salon. Ok, ah, c'est bon. Alors, c'est bon. Tu sais, quand tu rentres à gauche, là, c'est un vidéo proche en vérité. C'est sur Max. Du coup, MyCanal. Si t'as Max sur MyCanal. Ok, sublime. Je crois que c'est sur Prime Vidéo, tu vois. Non, c'est sur Max. Non, j'ai dû m'abonner à Max pour le voir. Ok, super. Bah écoutez les amis, ça fait bon après on en laisse sûrement 25-30 minutes mais c'est quoi le record d'enregistrement, de durée d'enregistrement? Ah à l'époque on était des dingues. À une époque on était monté à du 3h30 hein. Et là on est à combien là? On est à 2h20. Oh bah c'est ridicule. La merde, c'est ridicule. Bon je pourrais faire encore des imitations de Terreur pendant 40 qui chante des chansons. Dernier petit tour de table. Marie de Breuer régulièrement chez Zoom Zoom Zen à la radio, mais pas que, la scène également. Tout à fait, la scène, l'eau au milieu de Paris. Mais bien sûr que non, Marie. Et ça, elle vous fait dans son spectacle. Alors, dans ça, ses... je la garde pour le spectacle. Ou quoi. Donc, oui, sur Zoom Zoom Zen, du lundi au jeudi à 17h30-35, par là, quoi, petite chronique. Sinon, oui, je fais toujours de la scène, principalement avec la Random Family. Bien sûr. Les mercredis à 20h au Jamel Comedy Club. Venez donc. Mais oui, vers les Grands Boulevards, voilà, bonne nouvelle, truc comme ça. Exactement, là, c'est les lettres rouges. Ouais, ça, c'est l'Olympia. Mais et aussi des lettres c'est assez loin de, voilà, mais... Et c'est Xavier Niel, c'est pas du tout Ça n'a rien à voir. Donc oui, je fais du stand-up à droite à gauche. Et sinon je mets aussi mes dates et tout, podcast, tchatcheuse. Enfin bref, tout ce que tu as dit au début. Instagram @ Marie Deber, Marie de Brr. Tu commences à avoir de quoi faire un spectacle ou... Alors non, j'en suis pas là. Je pense que j'ai une petite trentaine de minutes. Donc j'ai de quoi faire déjà... des 30-30. Ouais, ce qui est déjà bien. Ce qui est cool, ouais. Ça fait un an et demi que j'ai commencé. Donc piano, piano, comme disent certains. Frisol. C'est Jinx. Aglise. Balatro. Allez, vite, vite, vite. Finissons-en. DJ Medi. Non, mais j'ai pas encore de spectacle, mais bientôt, je croise tous mes doigts, je travaille. T'as pas fait 30-30 encore? Si, j'en ai fait. Ouais, génial. C'est cool. Ça passe aussi vite que 8 minutes. Ouais, tu fais, hop, alors. Et c'est vraiment trop bien, j'adore le stand-up. Et genre, j'aime trop faire des chroniques, mais dès que je suis sur scène. Ouais, l'adré quoi. Là, j'ai le. Ah, j'ai l'adré. Il y a l'adré qui pop. Là, j'ai le cœur qui bat, les frissons, la chatte. Non, mais bref. Bah, c'est le nom du spectacle. Axel Malimerveille. Oui, parce que t'es une merveille. Je triple Axel, tout de suite. Je vais demander à ma mère de m'appeler comme ça. Donc, oui, tu mets en scène pas mal de spectacles en ce moment quand même. Bah, y a le spectacle d'Eliot Doyle qui est en préparation avec une date à l'européen, mais j'en parle pas beaucoup plus parce que c'est déjà complet, donc ça ne sert Allez, à bim, rien de frustré. Il le dit quand même au détour d'une phrase, hein, comme ça. Ouais. Et je mets également en scène Gigi Pop, le Pops, qui fait partie de la Random Family, avec OG de la Random. Et qui est tous les jeudis à 21h30 au Petit Palais des Glaces. Et je l'adore, il est super, j'adore bosser avec lui, c'est génial. Et les gens qui vont voir le spectacle sont très contents. Mais si, je fais le focus sur l'actu du moment. Eliot, c'est une. Comment on dit? Une étoile filante. Une étoile filante. Non, tente plutôt. Je l'adore. Ça veut dire qu'il va vite disparaître. Ouais. Donc, ouais, Guigui, le jeudi au Petit Palais des Glaces. Petit Palais des Glaces, c'est vers République, un truc ouais, comme ça. C'est à côté du McDo. Ouais, alors on le connaît, ce McDo. Un des pires, peut-être. Je suis trop content. C'est à 6 minutes de chez moi. Oh, quel plaisir. Oh là là. Le New Yorkais. Mmh. Ah, il a fini le stand-up. Allez, vas-y, je me prends un coca et je rentre à la maison. Ah là, le mec, putain. La vie de rêve pour moi. Adrien Méniel, le Grand Rex. Il reste quelques petites places. Je crois qu'il reste quelques places. On en parle, la bonne auberge. L'épisode final, bien sûr, au Grand Rex en public. C'est ouf. Incroyable. Donc ouais, vu le succès fulgurant, je dégueule. Dès que c'est fulgurant, Imodium Duo. Ils ont un petit trio là du coup. Un Vocalib. Non, ils ont ouvert les ventes des places en balcon. Bien sûr. Voilà, elles partent moins vite. Donc ouais, elles sont toujours, il y en a toujours des dispo. Venez nous voir faire du jeu de rôle. Non, mais c'est ça parce que je me disais peut-être des gens qui pensent que c'est archi complet et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils n'ont pas pris, enfin ils sont pas vérifiés. Non, mais c'est pour ça qu'on. Et donc du coup, n'hésitez pas à aller checker. Il y a des places. Et voilà. Sinon, j'ai écrit pour Hot Ones maintenant. Voilà. Alors, il le dit comme sachant ça. Que, allez. Sachant voilà. Que voilà, mon amour pour les petites sauces, c'est quand même marrant. Ah oui. Non, mais oui. C'est quand même marrant. Non, mais donc, bien sûr, voilà. C'est marrant. Donc, il y aura peut-être vous regarderez Hot Ones, vous direz ah, ça c'est du Méniel. Ça c'est Adrien, ça. Ça c'est du Méniel. S'il y a des imitations de Mitterrand, ça va être. Moi j'essaye de faire imiter Mitterrand à Kian. Pourquoi Kian imite Mitterrand dans tous les Hot Ones depuis ce sera mon Everest. Faire imiter Mitterrand à Kian pendant Hot Ones. Sous sauce. Voilà. Sous sauce manesse. Sous sauce manesse. Sous sauce Méniel. Oh. Ok. Sous sauce Méniel. Sous sauce Méniel. C'est le podcast. Ciao. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.